Mesdames et messieurs, la radiodiffusion française vous présente en transmission différée la diffusion du spectacle de la comédie française Salle Richelieu à Paris. Dans quelques instants, vous pourrez écouter Duo, pièce en trois actes de Paul Giraldi d'après le roman de Madame Colette. Décor de Louis Su, mise en scène réglée par Pierre Dux. Le décor de Duo est le même pour les trois actes. Il représente le vaste et élégant salon d'une villa dans un vieux domaine fermier à 450 km au sud de Paris. Au lever du rideau du premier acte, Alice dessine sur un petit bureau près de la fenêtre. Maria, la servante, entre, deux valises vides au bout des bras. Qu'est-ce que vous faites, Maria ? Je monte les deux valises au grenier. Bonne idée, cachez-les-moi, que je n'y vois plus. Je veux pouvoir m'imaginer que nous sommes ici pour très longtemps, qu'on ne repart plus. Vous m'avez bien pendu les deux petits costumes ? Quels deux petits costumes ? Celui que j'avais hier en venant était tout fripé de la voiture. L'autre l'était sans doute aussi de la valise. Naturellement, je les ai pendus. J'ai mis l'un de monsieur dans le tiroir d'en haut qui n'est pas à se baisser. Le vôtre en bas. Ou avant de vous en aller, Maria, soyez gentille, allumez-moi du feu. Madame a froid ? Naturellement que j'ai froid. C'est très humide ici. La chambre est une glacière. Ça va durer ce temps-là. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que dit votre homme ? Oh, mon homme ! Vous, qu'est-ce que vous en dites ? Elle vivait à chanter ce matin dans le ravin, c'est pas bon signe. La terre mouillée attire la pluie, vous savez bien. Il n'y a pas de raison pour que ça finisse, alors. Nous en avons pour 130 ans. Oh, oh. Je la retiens, votre région de Lyon. Venir de Paris pour trouver ça. Madame n'a pas encore été voir la rivière. Pas encore, pourquoi? Elle est haute? Madame verra. Pas étonnant qu'il fasse humide. L'année dernière, à pareille époque, je me rappelle, vous aviez allumé le calot. Mais monsieur demande cette année-ci qu'on lui fasse des économies. J'ai besoin de chaleur, moi, Maria. Je peux pas me passer de chaleur. Quand j'allume du feu, madame, vous venez faire toute grande. J'ai besoin de chaleur, j'ai aussi besoin d'air. Qu'est-ce que vous croyez donc qu'on vient chercher ici quand c'est de Paris qu'on arrive? Pour que je puisse allumer le calot. Aurait fallu que monsieur m'avertisse de s'en arriver un peu plus tôt, j'ai reçu sa dépêche hier soir. J'en ai pas trois sous d'anthracite à la cave. Aujourd'hui c'est planche, je lui en livre pas. Demain c'est encore fait. Faites-moi un joli feu. Monsieur ne sera pas fâché de trouver en rentrant une flambée un peu haute. Il aura marché dans le pré-bas, il n'aura pas eu chaud aux pieds. Ça doit pâter par là. Et ça pâte. Quelles chaussures a-t-il prises ? Je souliers de chasse, bien sûr. Les neufs ? Les vieux prennent l'eau. J'aurais pas laissé partir avec les vieux. Il aura faim, servi à l'heure. Vous connaissez ses appétits des premiers jours. Qu'est-ce que nous avions dit? Je connaissais bien avant vous, ses habitudes. Qu'est-ce que nous avions dit déjà que nous ferions? La garbure. Ah oui, c'est vrai. N'épargnez pas l'oignon, ni l'ail, ni l'échalote. Allez-y carrément. Qu'est-ce qui nous arrive là, regardez donc? Une voiture? Une voiture, ce ne serait pas par hasard mon charbon? Dans une tolaée, ça me surprendrait. Qui peut s'être égaré ici? Quelqu'un qui se trompe? Soyez gentil, allez vite voir. Attendez. Et qu'est-ce que je dis? Que monsieur est sorti et que madame se repose. Attendez voir, on dirait que c'est monsieur Bordier. Mais oui, c'est lui. Allez, va le chercher, Maria. Maria, il restera certainement à déjeuner. Tâchez d'ajouter quelque chose. C'est un peu tard pour m'avertir. Ce que vous voudrez, n'importe quoi, une omelette. Oui, on va voir ça. Et montez du pinot de la cave, naturellement. Du pinot blanc, du pinot noir? Montez les deux. Arrivez-vous quand vous engueule. Bonjour Alice. Qu'est-ce que vous faites par ici? Vous êtes à la Maurie? Oui, oh, pour quelques jours, et excusez-moi de vous relancer ici, vous devez avoir envie qu'on vous y fiche la paix. Hein. On ne pense pas uniquement à y donner des fêtes, mais ça ne fait rien, Michel sera content de vous voir. Et vous êtes ici depuis quand? Depuis hier soir. On a quitté Paris le matin après le courrier, on est arrivé ici sous la pluie. Un petit crapaud nous attendait sur chaque marche du perron. Ah, ben oui, dites donc, c'est gai par ici. La route après Villeray ne passe au milieu d'un lac. J'ai cru que j'allais être obligé de faire demi-tour, j'avais de l'eau jusqu'au moteur. Ah, ça fait pas pour ça, nous autres. On est contents, même inondés, là comme on est. C'est pas joli, ce paysage d'inondation. ce lac d'eau noire. Vous aimez ça, vous, ce ciel d'Éden, cette eau sale, là, ce petit clapotis sur noir? Si on passe à les descriptions, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir? Eh ben, besoin de voir Michel. Oui, une idée qui rupine depuis 2 jours, hein, intéressante. Vous savez, comme je suis, j'aime pas les choses qui traînent. Le temps avait l'air ce matin de s'arranger, alors je me suis dit, ben, j'y vais, quoi, 45 kilomètres. Vous avez très bien fait, j'ai justement des choses à vous dire, moi aussi. Ôtez ce manteau, Maria va vous le faire sécher. Ah, mais je suis pas mouillé. Alors posez-le là. Et arrivez, que je vous lave un peu la tête. Qu'est-ce que vous faites, enfin, mon vieux? Comment se fait-il que je n'ai pas encore vos liasses? J'ai toutes celles de vos concurrents depuis au moins 8 jours. Oh, ben, je sais bien, nous avons un petit malheur. Le camion qui voulait porter a brûlé sur la route près de Chalon-sur-Saône. Tort. Ben, j'ai été obligé de faire recomposer pour vous toute la collection, et puis ces sacs à fête me font perdre encore 3 jours. Là. Dépêchez-vous, mon vieux, c'est grave, nous sommes le 15. Vous savez bien que je ne peux arrêter mes formes qu'une fois que... j'ai tous les tissus. La collection sort dans 1 mois. C'est effarant. Oh, vous en faites pas. Vous auriez pu pour moi passer à la maison me dire un mot de vos nouveautés. Ben, je suis venu vous voir jeudi avec une serviette gonflée de bouts de tissu. Vous étiez occupé, alors je vous ai attendu. Je suis allé m'asseoir dans le bureau de Michel. Nous avons bavardé ensemble une bonne heure. Puis au bout d'1 heure, il a fallu que je m'en aille. Ben, pourquoi n'avez-vous pas laissé votre serviette d'échantillon à Madame Jeanne? Oh, ce sont des choses nouvelles qui sont pas encore sorties, que je peux pas laisser traîner et que je tenais surtout à vous montrer moi-même. Et dites-moi, elles sont intéressantes, vos nouveautés, cette année? Qu'est-ce que vous m'avez fait pour mes manteaux du soir? Ah, des merveilles. Ça, vous verrez, je vous ai fait des merveilles. Un brochet or et lilas. Vous voyez, qui ne fait pas les seins. Simplement des formes qui passent, chaud à l'œil, enveloppant, et une tombée, ça vous verrez ça. Envoyez-le alors, bon sang. Oh, c'est bête, j'aurais dû ce matin en mettre une pièce dans ma voiture, ça m'aurait amusé de vous montrer ça ici. J'y pense maintenant, je suis parti tellement vite. Et dites-moi mes impressions. Vous serez contente aussi. Je les aurai quand? Elles seront chez vous jeudi sûrement. Sans faute. Oh, sans faute. Quel jour rentrez-vous donc? Mercredi. Non, aussitôt. Oh, j'ai absolument besoin de voir mes toiles. Michel non plus ne peut pas s'absenter plus longtemps avec tous les ennuis qu'on a en ce moment. On a profité de ces jours de fête pour venir avaler un bol d'air en courant, dormir, se retaper un peu avant le branle-bas de la collection, voir ce qui se passait ici. Ah, c'est rudement bien ici. Ouais. J'étais pas venu depuis longtemps. C'est pas mal. Oh, cette heure dégoûtée. Oh, vous savez, moi, les horizontales, les grandes lignes, je préfère les choses qui bougent, qui vivent, un peu de désordre à arranger. Je ne me serais pas choisi cette auguste demeure qu'on ne restaure pas, dont l'étoile, l'espace et l'eau. Une maison de paysan où j'aurais mis le confort aurait bien mieux fait mon affaire. Mais Michel, son cran, c'est... Ah, je suis comme Michel, moi, je trouve ça bougrement bien. Et encore, en ce moment, il n'est pas dans son beau. Ah. Les massifs ne sont pas taillés, toutes les allées sont dévorées. On a fait tout l'effort sur la ferme et sur la vigne. Ça ne rend pas fort la terre? Pas très fort, non. Michel s'obstine. Ah, si les affaires marchaient un peu dans la couture, ce ne serait pas grave. Je n'ai jamais attendu de cran, c'est moi, que des frais. Mais il faudrait au moins qu'à Paris. Ah, il y a des moments. Oh, vous en faites pas. Ça va s'arranger, moi je vous le dis. Michel n'est pas là? Il va venir, ne vous agitez pas comme ça. Comment, il n'est pas là? Il fait le tour du domaine avec son régisseur, la tournée de l'arrivée. Oh, il est parti ce matin de bonne heure, il peut plus tarder. Le diable, c'est que j'ai très peu de temps. Oh, mais vous déjeunez avec nous, Non, Alice est bien gentille, mais je ne peux pas, je suis parti de la Maurie sans avertir. Si je ne rentrais pas, vous connaissez Charlotte. Attendez voir, vous me faites de la peine. Asseyez-vous. Maria! Vous voulez pas vous asseoir? C'est fatigant de vous voir tourniquer comme ça. Madame m'appelle. Votre homme est là, Maria. Mon homme. Madame a besoin de lui. Il est à la Garenne, après le bois. J'aurais aimé qu'il fasse un saut jusqu'à la ferme, voir si monsieur n'y serait pas. Alors que monsieur est parti ce matin, il peut pas être à la ferme. Qu'il voit toujours, et s'il le trouve, qu'il lui dise de remonter tout de suite. Il y a ici monsieur Bordier qui est pressé. Mon mari ne trouvera pas, monsieur est loin maintenant, et puis j'ai ma garbure. J'y veillerai, je sais ce que c'est qu'une garbure. Ah, que je vous dise, monsieur Bordier ne déjeune pas. Hein? C'est dommage. Pas grand dommage pour ce qu'on avait à lui donner. J'avais dit aux Séverins de ne tuer quelques oiseaux. Je n'aime pas qu'on tue d'oiseaux sur le domaine, Maria, vous savez bien. C'est des gros becs. Des gros becs. Des mésanges bleus, des chardonnerets, vous appelez ça des gros becs. Des dévoreurs qui mangent tout le grain de mes pigeons. Et puis j'avais aussi un bon fromage de la Séverine. Vous pourriez peut-être l'envelopper, votre fromage, et le mettre dans la voiture de monsieur Bordier qui l'emporte. Oh, mais non, voyons, Alice, pourquoi? Ah, Maria. Moi, madame, je veux bien. Vous le donnerez à Charlotte. Vous direz que c'est un fromage de cran sec. Vous le faites qu'à cran sec. Le meilleur des fromages, cela va sans dire. Je m'en doute, la maison est bonne. Dites donc, c'est ça que vous appelez vous reposer? Oh, Oh, que voulez-vous faire par ce temps? Ce matin, j'ai essayé d'aller jusqu'au rucher, je suis rentrée dans un état, j'ai dû me changer de la tête aux pieds. On peut regarder? Tant qu'on veut. Je cherche des idées de manteaux en ce moment. Des manteaux de rue? Non, de ces manteaux légers achetés sur ces robes de week-end. Vous savez que les femmes mettent aujourd'hui quand elles partent pour 24 heures avec un homme. Un effet de jupe et de cape, hein? Ah oui, ça a du chic. Vous traitez ça comment? En velours de laine. Ça me donnera de joli temps. Vous les voyez comment, les femmes, vous, cette année? Un peu plus femmes. Vous étiez à Toscanini, vous avez remarqué la tendance. On en a assez des hanches plates, des femmes sportives et garçonnières. Des muscles, si l'on veut, mais de la poitrine, tout de même. Et un petit peu de derrière aussi. Eh ben, tant mieux, il vous faudra davantage de tissu. Vous disiez que vous aviez parlé avec Michel. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh, rien de particulier. Sérieusement, Bordier, comment ça va chez nous? Mais bien, pourquoi? Michel ne me dit rien, il me ménage, Michel. Ça va pas fort à la maison. Mais si, vous voyez bien que vous m'en des robes. Je vois du monde, mais on a tant de frais. Savez-vous s'il a vu Franck? Quel Franck? Ben, vous habillez une madame Franck. Il cherche de l'argent. Et puis après, mais mettons qu'il cherche de l'argent, ça n'est pas tragique, ce sont des choses qui arrivent, ça. Non, s'il en trouve. Mais il en trouvera. Savoir. Mais je vous dis, moi, qui l'en trouvera? Votre affaire n'est pas une affaire montée à coup de publicité, c'est une affaire basée sur un grand talent de femme. Vous êtes une grande artiste, Alice, imbattable, la très grande classe. Michel, de son côté, est un parfait gérant, il est honnête, il est adroit, il est prudent. La crise finie, vous serez les premiers à partir. Si on tient jusque-là... Mais je vous dis, moi, que vous tiendrez. Inventez-nous des beaux modèles et puis laissez faire. Hier, Michel, sur la route, en douce, m'a glissé entre deux giclements d'eau sale qu'il allait fermer un atelier et renvoyer ma directrice des salons. Oh, voulez-vous parier avec moi qu'il ne fermera rien du tout et qu'il ne renverra personne? J'ai vu votre bilan, ça va. Il s'inquiète, oui, je sais, mais il a tort. Je vais vous le remonter, vous attendez un peu. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Il exagère avec ses vignes. Qu'est-ce que je vais me faire passer, moi, midi moins 25? Aussi petit que, c'est de ma faute. Ça, j'aurais dû m'annoncer par un coup de téléphone. Je peux pas lui faire la commission pour vous? Oh, bah, difficilement. Oh, il n'y a pas de secret, vous pensez bien, enfin, des affaires d'hommes, quoi. Ah ben tant pis, que voulez-vous, je vais venir à Paris. C'est tout de même embêtant. Ce que vous vouliez lui dire, c'est du mauvais, du bon? Je crois que c'est du bon. Sûr? Parole. Dans ce cas, revenez. Oh, moi, je voudrais bien, vous savez, le mouvement ne me fait pas peur. Je n'ai rien à faire là-bas, les usines sont fermées. Mais c'est Charlotte. Elle prouve déjà que je saisis tous les prétextes pour filer. Hein. Amenez-la. Faire sortir Charlotte? Oh, écoutez, je vais tâcher, mais je ne vous promets pas. Vous ne bougez pas d'ici? Oh, si on bougeait, ce serait pour aller jusqu'au village, on ne serait pas loin. Bon, ben, je vais essayer. Et si je reviens, je vous ramène le brochet. Ah, c'est ça, tâcher, ça m'intéresse. En tout cas, de toute façon, à Paris, jeudi matin, sans faute, Mélias. Elles y sont. Au revoir, Alice. Amitié à Michel. Je ne vous accompagne pas, vous connaissez le chemin. J'ai déjà changé de bas et de souliers ce matin, je ne veux pas changer ceci. Oh, vous plaisantez. Amitié à Charlotte. Ah, je n'y manquerai pas. Ah, tout de même. Hein? Ah, tout de même. Quoi? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? J'ai une mèche de travers, du noir sur la figure? Oh, non, non, non, vous êtes en beauté, au contraire. C'est votre ton. Mon ton? Ouais. Qu'est-ce qu'il a, mon ton? Bah, ce regard d'homme, cet au revoir d'homme, cette conversation d'affaires après ce qui s'est passé entre nous. Entre nous? Qu'est-ce qui s'est donc passé entre nous? Oh, Alice! Chez vous, dans le travail, encore, je comprenais, mais ici, pour une fois que nous nous trouvons seuls... Si je comprends un traître mot à ce que vous dites... Bah, vous voudriez me faire croire que j'ai rêvé. Rêver à quoi? Mais qu'est-ce que vous me chantez? Mais je n'aurais jamais rien dit, remarquez. Je n'aurais même jamais fait la plus mince allusion si j'avais senti dans vos yeux une lueur de sympathie, de souvenir. Quelque chose d'un peu appuyé dans la poignée de main. Mais rien, rien. Oh, ben, c'est pas assez. C'est effrayant, cette négation, cette suppression. Cette négation de quoi? Cette suppression de quoi? Je suis encore grise, mon chéri, de ce bonheur que tu m'as donné. De ce moment où, dans tes bras, je ne savais plus ce qui était toi, ce qui était moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais une phrase de vous. Moi, je dis ça? Ah non, ça n'est pas votre style de parler, vous ne l'avez pas dit, vous m'avez écrit. Ah, c'est ce que vous êtes malade? Ça se soigne, dites donc, ces choses-là. Je vous croyais en retard, les Charlotte qui vous attend. Qu'est-ce que c'est que ces divagations? Allez, filez. Ah bon, bien. Bah, mettons que je n'ai rien dit. Au revoir, Alice. Dites-en, vous, Fermez-moi cette porte. Vous n'avez pas gardé ma lettre, je suppose. Oh, mais si! Comment, vous avez conservé cette lettre? Non, mais vous êtes fou, vous vous rendez compte, si Michel tombait là-dessus, les embêtements de Sam Freud? Où est-elle? Ben, en sûreté. Allez me la chercher. Ah, non, Ali, je n'ai plus ça que vous venez de me prouver, j'y tiens, je la garde. C'est idiotie. Mais c'est une lettre magnifique. Oh, écoutez, Bordier, ne soyez pas absurde. Vous n'êtes pas un homme que le sentiment et tout. Non, ce n'est pas un reproche, vous travaillez énormément, c'est naturel. Vous n'allez pas me faire croire que vous tenez à ce griffonnage. Ah, mais j'y tiens pourtant. Mais c'est idiot, ça n'a jamais existé, cette histoire. Oh, mais pour vous peut-être, mais pour moi. Ni pour vous, ni pour moi, alors ne faites pas le potage. Michel était à Londres, il présentait la collection d'été à Londres. Il me manquait énormément, je suis une femme qui se porte bien. Vous êtes venu dîner à la maison, un repas de commerçant, on dîne un peu trop bien, on se laisse aller, la belle affaire. Quand une femme a fait cette chose-là, sur ce plan-là, ça regarde qu'elle. Pas même elle, ça ne regarde personne. C'est fini, balayé, classé, enterré, cette histoire-là. C'est l'éternelle petite histoire, assez vilaine, inévitable. Oh, non, Alice. Ne m'abîmez pas ça, laissez-moi ça. Vous n'avez pas maintenant le droit de me dire ça. Me rappelez-vous, vous m'arriviez là, du travail de la journée, distrait. Distrait? Oui, monsieur, oui. Oh, je vous ai peut-être mal montré sur le moment. Je n'ai peut-être pas réalisé tout de suite toute ma chance. Ça avait été si rapide, si imprévu. Seulement depuis, j'ai pu penser à autre chose. Voyez-vous ça? Oh, mais je le sais que vous aimez Michel. Michel rentré, je n'ai plus compté, plus existé. Vous m'avez brutalement laissé tomber. Vous êtes toute dans le présent, une femme forte, énergique, pas arrêtée par les choses vagues. Une vraie femme, quoi. Vous ne m'avez pas donné grand-chose de vous non plus. Enfin, tout de même, c'est quelques jours, une femme comme vous songez, puis une artiste avec ça. C'est quelques jours, c'est tout ce que j'ai dans la vie, moi. Oh, pauvre petit privé, je vais te plaindre, attends un peu. Oh, oui, oh, les gens croient que dans nos métiers, parce qu'on y emploie des femmes. Et c'est pas vrai, peut-être, hein. La belle employée, la petite apprentie touchante, oh, la jolie gueule, cette petite. Et quand cela serait, quand 10 fois, quand 100 fois, on s'y serait laissé prendre un peu. Vous croyez que ça vous fait une vie? De belles filles, fades, intéressées, dont on ne sait plus quoi faire aussitôt qu'on les a. Ah, vous me direz que j'ai une femme. Ah, ça, c'est vrai, j'ai une femme. Elle est lion, hein, alors c'est tout dire. Qu'est-ce que j'aurais connu sans vous? Qu'est-ce que j'aurais été, hein? Dites, une machine à débiter du tissu. Oh, je m'en fiche, moi, mon vieux. Je veux ma lettre et je la veux. Allez, ne me cassez pas avec ça, voyez-moi. Allez, courez me la chercher. Michel est peut-être en ce moment à 2 pas, au tournant de l'allée. Il peut nous tomber dessus d'une minute à l'autre. Où l'avez-vous placé, cette lettre? Dans mon coffre. Où est-il, ce coffre? Bah, à l'usine, dans mon bureau, et j'en ai seule la clé, ainsi. Et si vous vous cassez la figure en rentrant? Ah, oh, on n'est pas immortel. Un éclatement de pneus, un virage pris trop court. Et qui ira l'ouvrir, votre coffre, hein? Charlotte, un beau fils. Ce sera du joli. Ah oui, n'ayez pas pensé à ça. Nicodème, va. Bah, bon, alors j'y vais. Le temps d'aller et de revenir. Et puis, si Michel arrive à présent, vous n'auriez plus aucun prétexte pour revenir. À tout à l'heure. Dites donc. Conduisez prudemment. Merci. Soyez tranquille. Bordier, je pensais à une chose, moi, tout à coup. Moi aussi, j'ai reçu une lettre de vous. Ah oui, je vous ai répondu. Qu'est-ce que j'ai fait de cette lettre, moi? Comment, vous ne le savez pas? Non, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Eh ben, c'est Guy. Mais vous l'avez détruite, parbleu. Je m'en souviendrai. Non, j'ai rien détruit du tout. Vous savez, est-ce que j'ai fourré ça, c'est un peu fort. Vous m'aviez oublié à ce point-là? À ce point-là, mon beau monsieur, figurez-vous, ça vous défrise, hein? Il s'agit bien de vous. Où diable est-ce que j'ai pu? Oh, mais on est tellement surmené aussi. Est-ce qu'on a seulement le temps de penser à quelque chose? Oh, puis zut, tant pis. C'est tout de même un peu bête. C'était de jolie littérature, si je me souviens. Attendez voir. Le buvard de ma trousse, peut-être. Je ne m'en suis pas servi depuis une seconde. Ne bougez pas. Guettez un peu que Michel ne nous tombe pas dessus. Si elle n'est pas là, j'en ai la chair de poule. Voyons, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben voilà, c'est vous, ça. Il y en avait qu'une, au moins. Ah ben, elle n'avait pas été longue, notre histoire. Rappelez-vous, je ne suis pas écrivain ainsi, je ne vous en avais écrit qu'une. Mais je l'avais soignée. Ah ben, en effet, bon Dieu. Enfin, je la tiens. Chouette. Oh, je travaillais ça partout, mais vous vous rendez compte? Ce poids de dynamite. Ah, oh, ben, vous pouvez dire que vous m'avez fichu une suée. Ah, n'importe, je suis bien contente. Vous avez eu un sacré nez de reparler de ça. Vous direz tout ce que vous voudrez, je suis plus contente que si je venais de la recevoir. Oui, ben, pour brûler ça. Oui, comment donc ? Chamel de Maria, tête de bois qui m'a pas allumé mon feu. Maria ! Maria ! Allez, filez, filez, maintenant je ne reviens plus. Oh, étonnée, j'y pense. Ne revenez pas, non, à quoi bon ? J'aime autant que vous aussi vous la voliez sur place. Mais c'est encore plus prudent. Mais je peux vous faire confiance. Oh, Alice ! Mais tout de suite, hein ? Vous passez à l'usine avant de rentrer chez vous. Vous aurez eu une panne, votre arrivée d'essence, l'inondation, ce que vous voudrez, n'importe quoi. Il y a du feu dans ce bureau ? Ah. Non, naturellement, il y a des radiateurs. Vous avez un briquet ? Bah, oui. Bravo. Du feu, Maria ! Je vous avais demandé du feu ! Monsieur qui va rentrer ? Madame avait du monde. Incinérez tout ce que vous trouverez, qu'il n'en reste rien. J'écoute et j'obéis. Au revoir, Alice. Passez-moi du petit bois. Oh, mais madame va se salir. Mais il est trop gros, votre petit bois. Trop gros. Où sont les chenets ? Qu'est-ce que vous avez fait des chenets ? Je les ai mis dans des journaux qui rouillent pas. Allez, cherchez-les-moi, on ne fait pas du feu sans chenets. Que madame me laisse faire. Les chenets, ça fait grouiller. Je mets deux bûches en V vers le fond du foyer. Dépêchons-nous, Maria. Madame est impatiente. Prenez garde, ça fume. Hey, le petit bois est vert sec, quel gros encore moins. C'est tout du bois qui a été ramassé mouillé et la bûcherie n'est pas sur cadre. Pressons, Maria, pressons. Faut le temps, madame, faut le temps. Et que madame prenne garde, madame faire quelque chose. Ou quoi donc ? Un papier, une lettre. Laissez ça, touchez pas à ça. Et laissez-moi là, je vais continuer. Votre garbure a besoin de vous, vous savez bien. Tiens, je crois que j'entends monsieur. C'est monsieur ? Oui, c'est monsieur. Bon sang ! Oh, mes enfants. C'était si dur que ça, Michou. Oh, si c'était dur, je savais pas de te le cacher. Oh là là. Ah. Je pense qu'on déjeune, hein. Quelle heure est-il ? Dans 7 ou 8 minutes. Oh, non, ma petite, si tu savais cette matinée, Chevet, ça m'a fait grâce de rien. Il m'a traîné partout, le cochon. On raconte. Une seconde, laisse-moi souffler. Oh, Yomera ! Oh, allonge tes jambes, tiens. Oh, ces chaussures, tu vas pas me garder ces chaussures. Oh, pourquoi ? Pour les remettre si nous sortons ? Ne me demande pas d'efforts inutiles aujourd'hui. Maria qui a lavé le carrelage, toute cette boue rouge. La boue de la rivière, c'est joli, hein ? Et encore, ce que tu vois là, c'est rien. Je me suis fait racler par la Séverine au couteau avant de monter. Mais tu aurais vu de la boue, j'en avais jusque là. Ça pâte pas, hein ? Oh, si ça pâte. Tous les fossés sont engorgés, l'eau ne s'écoule plus, la terre la refuse. Et quand je dis qu'elle la refuse, je suis modeste, elle la crache, elle la vomit. Mmh. Tu parles d'un plaisir. Ah, peu plus foutu crever. Pauvre Michou. Et pour surcroît de catastrophe, tu as manqué une visite pendant ce temps-là. Manqué de 2 minutes. Le maire ? Non. Qui ça ? Devine. Oh, Alice. Bordier. Oh, et tu l'as laissé repartir ? Oh, Michel, te soulier le carrelage. Ça alors ? Il t'a attendu 3 quarts d'heure. Je voulais qu'il reste déjeuner, mais Charlotte est à la morie. Il était parti ce matin sans la verrière. Mais elle se serait passée de lui, Charlotte. Non, ça, c'est malin. Il y a longtemps qu'il est parti ? 2 minutes avant que tu n'arrives. Mais tu ne pouvais pas me le dire tout de suite, non ? Tu aurais couru derrière la Delahaye. Oh, j'ai pas de veine, moi, aujourd'hui, non. Cette année. Qu'est-ce qui ne va pas encore ? Et tout, rien ne va, là. La grande poisse sur toute la ligne. Raconte. Et t'as pas dit qu'il reviendrait, non ? Écoute, tu peux te passer de lui pendant 3 jours. Tu ne vois pas assez à Paris. Le voir à Paris dans un bureau ici en face d'une grigotte, tu trouves-toi que c'est la même chose ? Ça n'aurait sans doute pas été très différent car il venait de parler d'affaires. D'affaires ? À ce que j'ai compris, du moins. Prends garde, hein, veille au grain, ne te fais pas rouler. Rouler ? Non mais dis donc, j'ai l'habitude de me faire rouler par Bordier. Ah, ce qu'une femme peut vous dire. T'en trouveras beaucoup sur la place de Paris, des maisons honnêtes comme la sienne. Les Bordiers, c'est de la France derrière les fagots, comme il ne s'en fait plus. N'importe, tu es trop inféodé à lui. Tu fais trop d'affaires avec lui, tu vois que par lui. Tu me dis toi-même que c'est tissu. Ces fantaisies, je le reconnais, sont épatantes. Mais c'est classique. Si tu le mettais en concurrence pour ces classiques. Un ami. L'amitié. À ton âge, tu crois encore à ça. Mais oui, j'y crois et je m'en honore. C'est à lui que nous l'avons, la maison, hein ? Sans lui. Ah, il y a trouvé son intérêt. Eh ben tant mieux, je m'en réjouis avec lui. Les taffetas de Robéron sont aussi beaux que les siens et moins chers. Robéron. Ah, tu ne l'aimes pas, celui-là. Ah non, c'est même assez exactement le genre de soyeux que je déteste. Mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi toi aussi, moi je le sais bien. Pourquoi, je te prie ? Je me comprends. Alors, t'étonnes pas ? Oh, c'est absurde, Michel. Il m'a couru après, autrefois, c'est possible. Je l'ai remis à sa place et depuis, Il sait que tu ne l'aimes pas, il ne vient plus jamais à la maison. Il y a plus de 6 mois qu'on ne l'a vu. On est venu il y a 6 mois. Il a passé en courant, oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je te l'ai dit. Tu ne me l'as jamais dit. Oh, écoute, je t'en prie, Michel, n'en deviens pas idiot. Tu parlais du domaine. Comment va-t-il, le domaine? À en juger par ton humeur, il ne doit pas aller très fort. Tu es sorti ce matin? Non. J'ai voulu faire 3 pas, la mouille m'a arrêté. T'as vu la rivière, tout de même? Non, j'ai rien vu. Ah, mais tu n'es pas curieuse. Elle entre dans l'étable à présent, la rivière. Oh. Hier, l'eau a monté tellement vite qu'ils sont tous laissés surprendre. Il a fallu pendant la nuit sortir les vaches. Elles étaient énervées, ces vaches, elles ont failli être emportées par le courant. Et le Séverin avec elles. Là, 100 mètres, juste en bas, à la hauteur du saule tétard. C'est gay. Il est terrible à cet endroit-là, le courant. La rivière fait un coude et se produit un tourbillon. Et il paraît que le Séverin s'en est tiré de justesse. Il y a même laissé un veau. Non, on va voir ça, ça vaut la peine. Tout le pré-bas est recouvert. C'est bon, ça, pour le pré. Alors, je le croyais, mais c'est changé. Quand la terre est à ce point inondée, l'eau, tu l'herbes, il t'y pousse des joncs, et ton pré est perdu. Charmant. Chevestre, dans sa haute conscience, a voulu que j'en ignore. Il a même accompagné cette petite promenade hygiénique d'une musique appropriée, de pronostics catastrophiques et de constatations déprimantes. Ce sont les courtilières qui boulottent les gardons. C'est le riverain en face qui pêche la cartouche, et les osiers dont cette année on ne tirera pas 3000 balles. Pourquoi? Parce qu'ils sont bifurqués, les osiers, figure-toi. Et pourquoi sont-ils bifurqués? Pourquoi? Tu n'en sais rien? Non. Et toi? Moi non plus. Moi, dans tout ça, du grand Chevestre dit que c'est la chaleur. Le Séverin que si on avait taillé à blanc il y a 2 ans, moi, avec tout leur truc, je pense. Ils s'entendent tous pour te voler, parbleu, c'est clair. Eh oui, naturellement, tout le monde me vole, hein. Bordier, Chevestre... Ah, ça, pour Chevestre, tu peux en être sûr. T'as vu ça de ta fenêtre, toi? Ta haute connaissance des choses de la culture... On n'a pas besoin de connaissance, il y a des choses qu'on sent. C'est drôle, cette manie de voir tout le monde voler. Alors, moi, je comprends rien à rien. Moi, je vois rien, n'est-ce pas? Je sens rien. Je suis bon à rien, n'est-ce pas? Mais non, tu n'es pas bête du tout, Michel. Mais quand tu es de premier ordre en affaires, tu l'as prouvé, personne n'en doute. Mais quand il s'agit de gens que tu aimes, ta défense ne joue plus. Tu es comme un enfant. Il a connu ton père, Chevestre, alors il est tabou. Il peut voler ici tout ce qu'il veut. Mais Chevestre a ses défauts, je les connais mieux que personne. Un caractère de chien, d'abord, et la manie de tout voir en noir. Mais ses paysans, tous des anxieux. Mais pour la loyauté... La preuve, tes résultats... Enfin, si plus depuis des mois, c'est la faute de Chevestre, hein. L'année dernière, c'était pareil. Les difficultés que nous avons, pas besoin de leur chercher des raisons compliquées. La ferme marche avec des moyens périmés, des outils d'il y a un demi-siècle. Et il faudrait tout moderniser, il faudrait acheter des tracteurs, il faudrait de l'argent, quoi. Il faudrait surtout être là. On dirige pour à la fois une maison de couture à Paris et une propriété fermière dans le Mâconnais. Tout est devenu trop difficile. Quand je pense à ce que j'en ai refusé de Crancey il y a 3 ans... Tu regrettes? Ah, et comment? On ne regrette rien. Toi, sans Crancey, je ne vois pas ça. Tu n'es un peu heureux qu'ici. C'est pas vrai, je suis heureux que là où tu es. Je m'en fous, moi, de Crancey, tu sais, au fond. Que tu dis? Que je pense. Tiens, on trouvera seulement 8 ou 10 unités. Tu le donnerais? Moi, tout de suite. Et que je le veuille ou non, d'ailleurs, serons-nous encore les maîtres ici l'année prochaine? Bruno en a envie, le salaud. C'est lui qui a fait l'hypothèque. Il doit se dire qu'il serait mieux à sa place que moi. Ah, c'est une opinion après tout qui se défend. Mais qu'est-ce que c'est enfin que ce défaitisme, Michel? Je ne t'ai jamais vu si noir. Tout va donc tellement mal. Tellement mal, mais non. Oh, ben, je t'ai fait peur à toi comme c'est malin. Mais non, pas tellement mal. Tiens, je fais forcer les engrais. L'année prochaine, j'aurai les vignes de 3 ans qui commenceront à donner. L'avenir est plutôt bon, hein? Mais qu'est-ce que j'ai, moi? Le besoin de gendre un peu, la fatigue, décoller, quoi. Puis c'est ce paysage inondation qui fiche le cafard aussi. Et Chevet sera le don de m'exaspérer à fond avec cette air apitoyée qu'il prend pour m'annoncer les tuiles. Mais quoi? Tout ça, c'est la rançon de nos vacances, hein? 3 heures d'empoisonnement le lendemain d'arrivée, 3 heures d'empoisonnement la veille du départ, 1 ou 2 petits emmerdements pendant notre séjour ici. Ah, c'est le prix que ça mérite, hein? Non? Tu trouves ça cher? Je sais pas, Michel, c'est toi qui paies. Eh ben moi, je dis que c'est pour rien. Quand tu as ces yeux-là, d'abord, je suis payé. Quels yeux, Michel? Tes yeux de Crancey. Qui n'ont aucun rapport avec tes jeux de Paris. Si, je t'assure. Il y a dans tes jeux de Paris quelque chose de perspicace, de volontaire, de décidé, de presque trop intelligent. Cet air d'autorité que tu prends pour parler aux petites aux clientes, il t'en reste toujours quelque chose avec moi. Si, je t'assure. Il m'est arrivé à Paris de te tenir entre mes bras et de me demander ma parole si nos relations n'étaient pas contre nature. C'est ça, le bon compagnonnage. Si je ne savais que faire l'amour, je t'aurais depuis longtemps lassé. Pas sûr. En tout cas, je te préfère ici. Tu es plus femme ici. Ici, tu as des yeux troubles, magnifiques, des yeux de bête sauvage, Tu sais, ce gris vert des feuilles de saule. Non, tais-toi, j'aime pas que tu deviennes faim. Quand tu es faim, Michel, c'est que tu es malheureux. Malheureux? J'ai l'air malheureux? Où crois-tu que j'ai l'air malheureux? J'ai faim, voilà ce que j'ai faim, de toutes les façons, même malheureux. Hein. Non, les temps sont durs, on se débat, c'est la vie, quoi. Même malheureux, tant que j'aurai ça, on ne mangera pas ça. Je ne serai pas malheureux. J'avais l'air malheureux cette nuit. Tu me fatigues. Comment je te fatigue? Tu voilà bien douillette, dis donc, tu étais moi cette nuit. Tu te rappelles la verse, ta fenêtre ouverte, tu te rappelles ce qu'on a fait cette nuit pendant la verse? Non! Ah, tu ne te rappelles pas. Eh bien, je. Oh, Michel, tes souliers, qu'est-ce que va dire Maria? Tiens, la voilà. Quoi, elle nous a pincé plus d'une fois. Oui, mais j'ai jamais aimé ça, elle non plus. Allez, tire ton pullover, arrange un peu tes cheveux. Oui, enfin, ayons l'air naturel, à crève les flics. Madame, je peux sonner le premier coup? Et moi, vieille fourmi, je ne compte pas. Bien sûr, tu peux le sonner le premier coup et même le second, tu es en retard. Je suis en retard de 5 minutes. Pourquoi, je te prie, es-tu en retard de 5 minutes? La rivière, qui vient encore de m'emporter une pilote fagot, si c'est pas malheureux. Monsieur, a-t-il jamais vu chose pareille? À peu près 10 fois en 10 ans, mais tu as une mémoire d'enfant qui vient de naître. Qu'est-ce qu'on broute, Mariochka? La garbure, non? Et puis? La crème au caramel. Ça va. C'est un loup bougresse ou je te déshérite? L'espèce de fin nerveuse, moi, je ne tiens plus. On se lave les mains? Est-ce que tu en fais des frais pour Amadou et Maria? Jalouse. Oh non, Michel, je t'en prie. Je déteste quand tu prends, même en plaisantant, ton air table d'hôte. Ma pointe de vulgarité. Parfaitement. Mon genre classique. Que tu adores, que tu fais exprès d'accentuer, qui ne te va pas du tout. Qui ne me va pas, tu es bien sûr. Oh, vous dansez, je t'en prie. Allez, tu veux te laver les mains, allez, vas-y, à qui je vais refroidir, et sois pas assommant. Je dirais que tu en graisses, hein, je m'entendrai pas, moi. Oh, fini, vraiment. Michel, fini, je te dis où je te calme. Oh, pas commode, la jolie fille, elle a porté un petit coquin de casaquin avec une petite poche. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite. Oh, mais tu m'ennuies, alors, oh, Michel. Qu'est-ce que c'est que ce genre? Allez, je vais déjeuner, tant pis, tu manges à ta quiche froide. Tu as déjeuné quand je suis autorisé, que tu m'auras demandé pardon, embrassé. Allez. Ah, voilà. Et réponds à ma question quand je te pose une question. Oh, ta question, quelle question? Qu'est-ce que tu tiens là dans ta poche? Est-ce que tu peux être impatientant? Une lettre de mon amant. Oh, cette façon de me répondre. Mais des notes, des croquis, là, tu es satisfait? Ah. Oui, je cherche des idées de manteaux en ce moment. Des manteaux du soir? Non, des manteaux de ville. Tu sais, on est toujours un peu angoissé pour les manteaux. On ne sait quoi faire, mettre des poches, ôter des poches. Tu vois, qu'est-ce que tu as fait? Un an plus tard, je déteste montrer les choses qui ne sont pas au point. À présent, des jeunes, viendras-tu? On va sonner le second coup. Parce que tu peux être contrariante, on dirait que tu le fais exprès, ma parole, comme si déjà ce matin. Allez, fais voir. Oh, écoute, Michel. Oh, cette force, on va se rendre la force, ça dort. Oh, Michel, tu vas les déchirer. Michel, tu vas me casser le poignet. Brut. Ah, bah, ils sont jolis. Allez, ramasse. On dirait que nous avons 4 ans, c'est vrai. Ramasse, bien. Ne lis pas ça. Ne lis pas ça, Michel. Tiens. Je ne brûlerai ce papier, je... Michel, pense à nous. C'est que ça. Rien, plus rien. Quelque chose d'anéanti, de fini. Mmh. Oh, depuis longtemps. On dirait l'écriture de Bordier. De Bordier, oui, je t'expliquerai, ne lis pas ça. Mais c'est ce matin qu'il t'a apporté ça? Pas du tout, c'est vieux, ça date, Dieu sait. Ça remonte. Sur le secrétaire. Quoi? Des lunettes sur le secrétaire. Alors? Quoi alors? J'attends. C'est moi, je crois, qui attend. Qui attend quoi? Tu t'expliques. Ça a besoin d'explication? Non, tu as raison. C'est suffisamment clair. Je crois que tu as le bon goût de ne pas nier. Et tu me disais que tu étais vieux. Pas vieux. Hein? C'est tout frais, cette histoire-là. Je te dis que c'était fini, périmé, enterré. Ça date de quand, exactement? Janvier 50. Janvier 50? Oui. Tu étais absent. Londres. La collection. Parfaitement. Pas peur? Je vais tout de même pas te tuer. Qu'est-ce qui m'arrive à moi? Michel, mon petit Michel, je te jure. Le second coup. Hein? Le second coup. N'entends pas, en retard encore. Alors? Quoi alors? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait? Comment ce qu'on fait? On va à table, parbleu. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ils sont tous là, Chevestre, en arrière, son homme à nos épis, on nous appelle pour le déjeuner. Ben, on va déjeuner. Et voilà. On fait plus un drame de ça à notre époque. C'est du courant. Ça ne tire pas à conséquence. Allez, va. Une seconde, ton rimel a coulé. Mais pas avec ton doigt, tu l'étales. Fais attention, bon Dieu. Tiens. Là, ça va. Ça va comme ça. Vas-y, maintenant, je te tiens la porte. Oh, qu'est-ce que j'aperçois? Des radis. Comment déjà des radis? Des radis de serre, alors. Oh, bono. Transmission différée diffusée de la Comédie Française à Paris, le premier acte de Duo, la pièce en trois actes de Paul Giraldi, d'après le roman de Colette. Et voici maintenant le deuxième acte de cette pièce. Nous vous résumons le premier acte de Duo. Michel a découvert par une lettre que sa femme Alice l'a trompé 2 ans plus tôt avec Bordier, son meilleur ami et associé. Aventure sans lendemain et sans conséquence, car Alice adore son mari. La sagesse commande donc à Michel d'oublier cet égarement d'une heure et il se promet bien, en effet, de n'y plus penser. Au lever du rideau du deuxième acte, sont en scène Michel, Alice et puis la servante Maria. Tu ne te décideras donc jamais à nous faire arranger cette porte. Allez, viens, Alice. Eh bien, Maria, le café. La porte ici? Mais bien sûr, tu la portes ici, puisque nous sommes ici, vieille bique. Hein, Alice, on prend le café ici. Si tu veux. Parfait, son déjeuner, elle s'est surpassée. Mes compliments. Vous y a pourtant à peine touché à mon déjeuner. À peine touché. Non, tu entends ce qu'elle dit, Alice? Ta garbure a fait tort à la crème. Voilà. Un vrai velours poivré, sa garbure. Hein, Alice? Pourquoi vous ne savez rien dire à table, alors? Comment? Je peux pas tout faire à la fois. Manger, tresser des couronnes, vous. Non, laissez de capter, Michel. C'est bien que le bec verse mal. Madame a froid. Madame tremble de la main. Que madame me laisse faire? Et monsieur veut du mar? Moi, si je veux du mar? Voilà une question. Tu entends, Alice, elle me demande si je veux du mar. Mais fais attention, bougresse, je te fais déborder le verre. Oh, c'est ma foi vrai. J'ai bougé la tête. Qu'est-ce que tu fais, Michel, aujourd'hui? Tu ressors? Je sais pas. Peut-être. Pourquoi? Tu devais voir le maire aujourd'hui. Oui. Avec ce temps. Il repleut naturellement, hein. Non, pas en ce moment. Il va pleuvoir, voyons le baromètre. Oh là là, le baromètre. Dites, Maria, la rivière monte toujours? Comment monsieur voudrait qu'elle fasse pour ne pas monter avec cette pluie? Quand la terre est à ce point saturée, le niveau, comme de juste, est sensible, dit Chevestre. On sait ça. Je prendrai bien la voiture pour aller voir le maire, mais c'est un vrai paquet de boue, la voiture. Maria, ton homme ne pourrait pas nous laver la voiture? Mon homme? On dirait que vous ne savez pas ce qu'est mon homme. Moi avec lui ou moi sans lui, ça fait toujours que moi. J'entends ce qu'elle dit. J'entends. Je prends les images, je te laisse les journaux. Ah bah tu peux les garder, tes journaux. Une fiche le cafard. Je n'ai pas besoin de ça. Maria désire encore quelque chose? Non, madame, j'ai fini. Bravo, bravo, casse-en encore 300 comme ça et t'as une carrière musicale, ma fille. Oh. Il n'y a pas de quoi rire. Ça aurait pu être une assiette bien précieuse, n'est-ce pas, madame? Nous n'avons pas ici d'assiette précieuse, Maria. fait de mauvais poil, la vieille bite. Elle casse la vaisselle, elle m'attrape encore. Tu ne t'occupais pas tant d'elle. Tu t'en donnes du mal pour cette bonne. Tu ne l'aimes pas, elle le sent, alors je sais te pallier. Je ne la déteste pas, je ne lui connais rien de bas. Qu'a-t-on à lui reprocher? Sa féroce honnêteté, son étonnante pénétration, toutes ses vertus. Mais ce n'est pas une raison pour lui faire des avances dont elle ne manquera pas de tirer avantage. Tu en mets trop, toi, aujourd'hui, je te préviens. Comment? Elle est fine, tu finiras par lui donner l'éveil. Moi, je... Oh, c'est d'ailleurs déjà fait. Tu n'as pas remarqué sa façon de me dire « Madame tremble de la main, monsieur n'a pas fait grand tort à ma garbure. » Elle n'a pas été longue à porter le café aujourd'hui, hein. D'habitude, ça prend une heure. Et cette façon de s'attarder autour de nous. Tout ce qu'on veut lui cacher, c'est bien simple, elle le flaire. Voilà ce que tu nous vaux avec ta comédie. Comment, ce que je... Non, mais à l'issue de rencontre, ce que tu me dis, je rirais, ma parole, si je n'avais pas comme toi... Perdu le sentiment de toute convenance. Alice, n'exagère pas la désinvolture, je le conseille. Je suis assez calme, je crois. Il y a peu d'hommes qui, dans mon cas... Mais ça pourrait changer. Prends ce fauteuil, tiens, je te le laisse. Ouais, et toi? Fais plus pas de moi. Une abeille. Elle a faim, elle travaille. Tu veux encore un peu de café? Je ne sais pas si tu vas le trouver encore assez chaud. Fous-nous un petit peu la paix avec ta désinvolture, tu veux? Ça te va pas, cet air-là. Quel air est-ce qui m'irait selon toi? Dis-le-moi, ça me rendra service. Je ne sais pas très bien, figure-toi, ce qu'il est convenable de dire ou de faire dans mon cas. Toi, tu as trouvé le ton tout de suite, je te félicite, moi pas encore. Comment trouver le ton? Mais tu te rends compte de ce que tu me dis? Prends garde, Alice, c'est un conseil que je te donne. Où vas-tu? Je ne sais pas, par là. Tu ne veux pas rester ici, non? Oh, moi je suis bonne fille, tu sais. Du moment qu'on me demande quelque chose, gentiment... Qu'est-ce que tu cherches encore? Une cigarette. J'aurais aimé une cigarette. Si je te demande une cigarette, prendras-tu ça pour une bravade ou pour une marque de coupable inconscience? Merci. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et toi? Moi, je n'ai qu'une envie, mais je l'ai bien. Faire mettre une boule d'eau chaude dans mon lit. Et bonsoir. À ton aise. Mon Dieu, cette figure. Mais qu'est-ce que tu penses, au fond, Michel? On ne sait jamais bien avec toi. As-tu de la peine, de la vraie peine, ou bien es-tu seulement furieux? Si j'étais sûre que tu n'es pas de peine, je me ficherais tout, j'enverrais tout promener, mais si tu as de la peine, c'est injuste, c'est imbécile, c'est inacceptable. Eh bien, dis. Si on te le demande, tu diras. Bon, c'est bon. Mon Dieu! Excuse-moi. Idiot, je reconnais. Mauvaise journée pour la vaisselle. C'est drôle, là. La tasse est en miettes. Et l'anse qui, cependant, avait été recollée n'a pas bougé. Oui, je vois, c'est très drôle. Heureusement que la tasse était vide. Comment peut-on s'imaginer qu'un réflexe aussi bête va vous soulager? Il y a aussi d'autres réflexes qui soulagent. Quoi? Ah oui, les mains un peu trop serrées autour du cou, hein? Le coup de marteau sur la tête. T'es pas rassuré au fond? Je te fais peur. Ah, Ah, très flatté. Est-ce qu'on sait? Ah, moi, c'est ça qui t'inquiète, rassure-toi. Je n'ai rien, Dieu merci, de l'énergie humaine. Je le suis. Ah, ça arrive à tout le monde, ça. Ça vous a même un certain chic. Ça fait ménage dessalé, génération libérée, Jean Lapage. Ah, on n'est pas des bourgeois à Corny, nous. On vit. J'en fais pas pour mes réflexes, tu vois, je ne casse que des tasses. C'est moi là, cette justice, que j'ai pas fait beaucoup de bruit. Hein? Je me suis assez bien vu, puis tout à l'heure, j'ai pas ameuté les populations. Oh, pour ça, non. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Il faudrait pas croire qu'on n'en parlera plus de cette petite histoire-là. C'est pas fini. Ça fait même que commencer. Eh bien, mais parlons-en, qu'est-ce que nous attendons? Nous ne l'éviterons pas, ta scène. Je te connais, elle t'étouffe, elle te brûle la langue. Fais-la, va, débarrasse-nous-en. L'atmosphère, après ça, sera peut-être un peu moins irrespirable. Non, je préfère attendre encore, comme tu voudras. À ta disposition, tu sais. Quand tu seras décidé, tu n'auras qu'à me prévenir. L'express de Paris. J'aimerais mieux être loin, hein? À vous. J'aimerais autant, pas toi. Tu ne voudrais pas qu'on parte? À présent? À Paris? Non, mais tu n'es pas folle quand nous avons ici. Et trois jours, quand je m'efforce à prendre ici mon équilibre, vas-y, toi, à Paris, je ne t'en empêche pas. Je ne force personne à s'ennuyer ici, je n'attends de personne le secours, la compréhension. Bon, mettons que je n'ai rien dit. Je ne suis pas si mal ici, moi, après tout. Tu mens, tu es très mal. Mais pourquoi serais-tu bien? Tu ne l'as pas mérité. Je t'ai dit que je ne suis pas mal. La servante ne m'aime pas, mais c'est assez normal. Je la dérange. C'est elle qui est chez elle ici. Où irais-je d'ailleurs si je n'étais pas ici? Ah, c'est maintenant que tu y penses. Fallait y penser plus tôt, ma petite, avant de te payer une coucherie avec ce... Une coucherie, imbécile! Oh, ça oui, imbécile! On croirait que tu ne me connais pas. Tu l'as lâché, hein, ton grand mot, ta grande peur. Ça me ressemble, hein, de m'offrir un homme entre deux portes. Peut-être pas entre deux portes, mais entre deux trains. Imbécile! Bon, je pense que pendant que je me squintais là-bas... Cette fois, je crois que nous y sommes. Quoi, tu dis? Non, rien, continue. Bon, je pense que pendant que je me squintais là-bas à courir les ambassades, les journaux... Que je me payais tout seul la correspondance jusqu'à les 3 heures du matin. Que je me débrouillais tout seul, sans un avis, sans un conseil. La belle affaire. Tu as connu des entreprises plus éreintantes que de présenter une collection dans un hôtel à l'étranger. Oh. Et d'abord, c'est pas vrai que tu étais parti seul là-bas. Tu avais emmené avec toi un monde fou. Bah, Madame Jeanne. Et une essayeuse, et une première vendeuse, et deux mannequins, Raymond et Lucette, sauf erreur, deux aguicheuses. Raymond, surtout. Qu'est-ce qui me prouve que là-bas, une de ses filles et toi... J'avais bien le temps de ça, oui, là-bas. On a toujours le temps de ça. Les samedis soirs de Londres, hein, les dimanches de Londres. Tout à fait, dans ma façon, n'est-ce pas, de coucher avec les employés. Oui, on la connaît, vous dites tous la même chose. Avec ça qu'elle n'existe pas pour toi, les jolis employés. Oh, mais je les connais, tu sais, tes manières paternelles, tes airs de ne pas les regarder tout en les regardant. Oh, c'est, hein. Tu es fine, Alice. Pour peu que je te laisse aller, t'auras vite fait de me noyer dans les histoires à les ragots. Tout à l'heure, ce sera toi qui me demanderas des comptes. Pas de ça, ma petite, tu me dois autre chose aujourd'hui. Je te dois quoi? La vérité, hein? J'allais le dire. Naturellement, j'attendais ça un peu. Tant que je ne t'aurai pas raconté comment on dit tout, tu nous tormenteras. Bien plus que ça, tu nous embêteras avec cette histoire. Je t'ai déjà prié de ménager tes expressions. Faut-il que vous soyez les hommes dépourvus d'imagination pour demander? Mais sois tranquille, tu vas l'avoir, ta vérité. Demandez la confession d'une femme, le récit détaillé de ses fautes. C'est ce que je fais. Soit, allons-y. Tu as raison d'ailleurs. Nous pourrons nous tirer de là qu'avec une absolue franchise. C'est le mot consacré. Écoute, Michel. Cette sottise que j'ai commise... Cette ignominie, bon, ce que tu voudras. Cette ignominie qui a traversé brièvement mon existence pendant que tu n'étais pas là, n'a nullement été, comme tu le crois, ou comme tu fais semblant de croire, sans doute pour m'humilier davantage... Oh, couche. Je veux dire qu'il n'a nullement été question d'un hasard, d'une surprise... Je n'ai pas d'essence si capricieux ni si exigeant, non pas sur toi. Il s'agit de tout autre chose. Oh, pas bien intéressant, mais enfin, d'autre chose. Ben voyons. Tu te souviens, quand tu as quitté Paris, je n'étais pas très bien. Je me souviens en effet, si tu avais été très bien, tu serais venu me rejoindre là-bas. Voilà. Tu te rappelles que je m'étais donné beaucoup de mal pour cette collection de printemps, que Suzanne nous avait quittés, qu'on avait été très en retard. Comme toujours. Non, bien plus en retard que d'habitude. Je n'avais presque pas dormi les derniers temps. Oh. C'est pour te dire qu'une fois seul, c'est une très grosse grippe qui m'a prise. Je ne te le disais pas dans mes lettres pour ne pas t'effrayer. J'avais d'ailleurs une autre occupation. Oh, non, non, Michel, pas ça! Tes allusions cruelles et autres traits d'esprit, remets-la plus tard. En ce moment, je te parle. J'essaie d'être rigoureusement, exactement sincère. Tiens, mon compte, s'il te plaît. Mais toi aussi, fous-nous la paix, veux-tu, avec ton ironie. J'étais si peu bien qu'un matin, après une détestable nuit, je me suis aperçue que j'avais 38-8. J'ai donc décidé de garder le lit, de ne pas aller à la maison, et j'ai téléphoné à Louis pour qu'il m'apporte le courrier. Seulement, dans l'état où j'étais, je n'avais pas toute ma tête, et dame, devant ce courrier, je flottais un petit peu. Tu te souviens aussi qu'avant de partir, tu m'avais dit de m'adresser à Bordier au cas où je me trouverais embarrassée, de ne te soumettre à toi là-bas par téléphone que les cas graves. Parfaitement. Je lui ai donc dit de venir. Quoi? J'ai rien dit. Ah, mais je croyais. Je te répète, j'étais malade et très seule en face de problèmes qui me dépassaient, naturellement. Il ne pouvait venir que vers 6 heures, sa journée finie. Je ne sais pas si tu te rends compte. Parfaitement. Ton abattement, cette chambre fait toujours un peu trop chaud. Ce besoin de vivre qui te prend quand tu étais malade ou dolente pendant 2-3 jours. Et ce Lyonnais qui t'apportait des bottées de roses et te parlait compte et échéance sur l'air de parler moins d'amour. Allez, va, continue. Non, bon, justement, c'est pas ça du tout. Ce garçon venait pour travailler, on travaillait. Tu ne m'iras pas qu'en rentrant, tu n'aies trouvé le courrier parfaitement en ordre. Alors, c'est long à venir, la vérité. Je n'avais jamais témoigné, tu me le reprochais assez. Beaucoup de sympathie à Bordier. Je t'avais toujours dit que je le trouvais quelconque. Je m'étonnais qu'un homme comme toi, enfin, tu dois te rappeler... Te l'ai-je assez chiné, ton ami? Oui, te trouvais même épais, vulgaire. Alors? Ben, je me suis aperçue à le connaître davantage que j'avais été très injuste, qu'il n'était pas si vulgaire, si terre-à-terre que ça, qu'il valait mieux que je n'avais cru. Je lui ai même trouvé, oui, une certaine finesse, un sens assez artiste des choses de son métier. Je lui ai montré des vieilles gouaches de moi, des toiles du temps où je barbouillais. Et j'ai vu qu'il réagissait, ma foi, de façon souvent juste... Si bien que nous avons causé... Quoi? Il ne dit rien. Il en est venu de fil en aiguille à me parler de lui, de toi aussi, de votre jeunesse à tous les deux, du temps où tu étais comptable chez Maignan, je ne te connaissais pas encore, me raconter des choses gentilles de toi que j'ignorais. Laisse-moi rire. Rire, tu trouves ça drôle? Tu ne vois pas que je peine, que je fais tout ce que je peux? Alors, la suite, allez, le reste! Quoi, le reste, je t'ai tout dit. Comment, tout dit? Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu as déjà été malade. Tu sais ce que c'est que la convalescence, que cette espèce de... De quoi? D'irrésolution, de faiblesse, ce besoin de confiance et d'aide qui vous fait... Est-ce qu'il va falloir que je t'explique par le détail comment l'énervement qui vient avec la fièvre... Un entretien un peu poussé, la confiance qui en résulte, une sympathie toute neuve qui cherche à s'exprimer, peuvent amener l'abandon le plus malencontreux, le moins raisonné, le moins prévu, le plus bête. Oh, et puis en voilà assez, ça suffit, je pense que j'ai mis la bonne volonté. Mais c'est honteux, la fin, c'est une demande, la honteux. J'en ai assez de cet interrogatoire. Allez, parle à présent, c'est ton tour maintenant. As-tu un peu compris au moins? Après ce que je t'ai dit, pouvons-nous espérer un peu de paix, une vie au moins possible? Mais qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as pas dit grand-chose, en somme, en dehors du pire. Quoi? Quel pire? Le pire, tu ne comprends pas que c'est justement cet intérêt amoureux, cette amitié tendre, cette faiblesse de convalescente que tu as donnée à ce type, avant de faire la pointe avec tout ça. Vous êtes toujours pire que ce qu'on imagine. J'ai même parlé de confiance. Ah oh non, pardon. Ne confondons pas, je ne sais mal expliquer. De confiance, j'entends encore le mot. Tu n'as pas compris que c'est de ça précisément que j'avais le plus peur. Que c'était justement cette sorte d'abandon, de prélude, de souvenir, de confidence, d'amollissement. La chose physique, qu'est-ce qui en fait toute la valeur? C'est qu'elle soit ça, précisément l'expression d'un élan du cœur, d'un mouvement de sympathie, de confiance. Tu n'as pas la moindre idée de ce que c'est qu'un homme qui aime. Ma pauvre enfant, t'as pas compris qu'un homme qui aime peut pardonner, oublier même une histoire de coucher. Pour cause? Eh oui, pour cause, parfaitement. Une griserie, un coup de chaleur bien sale, être brusquement un instant changé en bête, on sait ce que c'est. On sait aussi qu'après on n'en est pas fier. Mais justement, dans ces cas-là, le dégoût vous lave, on abomine son partenaire, celui qui vous aime est vengé. Mais ce chuchotis canin, cette chaleur sournoise, ne comprend pas que c'est ça la trahison. Et c'est là qu'elle est. Si encore il s'était agi d'une coucherie rapide, inconsciente, anonyme. Si encore tu m'avais dit, voilà, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai perdu le nord, j'ai fait la garce, mais j'aurais été le premier à comprendre, à pardonner, ma pauvre enfant. Si tu m'appelles encore une fois ta pauvre enfant, je t'envoie cette tasse à la figure. Ne me demande pas pourquoi ou je fais un malheur. Quand je pense que je suis la bonne bête à essayer de tout expliquer, que le résultat c'est ça, que tout se retourne encore contre moi, non, non, non et non. Comment, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Attention, voyons, ils sont là, tout ce chevestre. Et le petit bâcher que tu oublies. Et la noisette de la poste, qui a peut-être mis son chapeau des dimanches pour venir recommander son avancement de bon soin. Ils comptent cela, tu penses à eux. Pas folle, enfin, voyons, qu'est-ce qu'ils prennent? Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que tu te rends compte? Ah, je sais pas ce que tu m'as dit, je m'en fiche de ce que tu m'as dit. Mais je sais. Je sais parfaitement que si parce qu'une fois dans ma vie, une seule fois, tu m'entends, une seule, il m'est arrivé de coucher avec un autre homme que toi, tu dois nous empoisonner l'existence à tous les deux, j'ai mieux mal à l'étude. Oh là là, oh, assez, assez. Alors? Oui, j'ai couché avec un homme. Je suis une femme et j'ai couché avec un homme. Qu'est-ce que tu crois donc que c'est une femme? Je t'appartiens, c'est entendu, j'ai eu tort, je le reconnais, mais maintenant c'est fait, j'y peux rien. Pardon papa, pardon maman, je ne le ferai plus. Fiche-moi une tripotée ou quoi le coup si tu veux, mais non d'un chien, qu'après au moins ce soit fini. Ah, ça, j'ai mieux de le dire tout de suite. Moi, les mea culpa, les contritions, les airs penchés, leur mort, c'est pas mon genre. Je m'excuse, on m'a pas faite pour ça. Je suis malheureuse, Michel. Tu comprends? Malheureuse. Tu m'as pas habituée à être malheureuse. Je peux pas supporter le malheur. Je veux bien me priver, tirer le diable par la queue, changer de métier, en inventer un, je sais ce que c'est, j'y suis dressée depuis l'enfance. Mais il y a quelque chose dont je ne peux pas me passer. C'est le besoin de respirer à fond. Une certaine dose de bonne humeur. Et puis l'amour, le nôtre, parfaitement. C'est-à-dire le besoin d'aide et de compréhension, de se faire plaisir. Qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça. D'ailleurs, j'aurais beau faire, je n'y entre pendant ta tragédie, je peux pas, c'est pas ma faute. Ça si peu compter pour moi, cette histoire-là, et c'est si vieux. C'était déjà rien à l'époque et ça date d'un an. Alors patiente un peu, pour moi, elle a à peine 2 heures, cette histoire-là. C'est bien, Michel, et je t'en tiens compte. Sans ça, mais fais un petit effort. Brûle les étapes, essaie de me rejoindre. On ne se parle pas à des distances pareilles. Si je pouvais monter de dessus la poitrine, ce pavé. J'en fais pas une question d'amour propre, je te jure. Si je pouvais oublier, j'en serais bien heureux. Et même, j'en serais bien fier. Alors, si c'est vrai, on est sauvés, Michel. On va s'en tirer, tu vas voir. Et qu'est-ce qui me prouve que ça n'est pas duré, que ça n'est pas eu des prolongements? Oh, non, ça, alors Michel, c'est trop idiot. Enfin, depuis ton voyage à Londres, est-ce que nous nous sommes quittés un seul jour? Est-ce que nous avons passé une seule soirée l'un sans l'autre? Est-ce qu'il m'est arrivé une fois de m'absenter, de ne pas être à l'atelier? La preuve, justement, la preuve évidente que tout ça n'a rien été, c'est que je sois revenue à toi si vite et si complètement. Comment peux-tu douter? Je ne sais pas, moi, il y a certaines preuves qu'une femme... Qu'est-ce qu'il te faut? Il n'existe que dans ta tête, Michel, ton mal. C'est ton imagination qui est malade, empoisonnée. Cette chose, soi-disant si grave, que vous, les hommes, trouvez si grave quand c'est de la femme qu'il s'agit. Si tu savais combien pour nous elle peut n'avoir pas existé. Mais si tu lisais en moi, si tu pouvais savoir... Oui, bien sûr, vous vivez toutes que dans le présent, toi tu ne vis que dans le présent. Autant que possible, oui. Et le présent, justement. Ah, ce matin, je me sentais une joie profonde, une paix, un bonheur de vivre. Ah, et c'est justement ce moment-là que le hasard choisit. Ah, non, c'est trop bête. En ce moment, justement, je me sens tellement fidèle, si tu savais. Non, mais fidèle. Oh, non. Non, ne ricane pas, c'est pas drôle. Les hommes, on la connaît, votre peur d'être dupe, de paraître faible, crédule devant le mensonge féminin. Eh bien, regarde-moi bien. Écoute-moi bien, Michel. Si tu me croyais en ce moment, ce faux pas, lamentable, absurde, si tu le mettais à son vrai plan d'erreur, d'insanité sans nom, si l'immédiate réaction d'écœurement et de révolte une fois passée, tu haussais les épaules et rejetais tout ça comme une pauvre chose qu'on s'en voudrait de retenir, si tu nous débarrassais tous les deux de ce cauchemar, si tu savais, Si tu savais ce que je te trouverais intelligent. Intelligent? Ah oui, alors. Mais pense à tout ce qu'on aurait. Qu'on avait il y a 2 heures et qu'on n'a plus. Et qu'on trouverait immédiatement si tu voulais, Michel. On n'a que nous deux, Michel. Si tu voulais, on pourrait être heureux encore. Je sais bien, toi, ce serait facile. Mais à toi aussi, Michel, si tu voulais. Tiens, ton cran sait que tu aimes tant. On n'a que 3 jours à lui donner. Il fait pas bien beau, mais même par ce temps, c'est vrai, c'est beau. Les hirondelles visitent leur vieux nid, tu as vu? Il y a du miel de l'essaim qu'on a capturé sous les tuiles. Il est un peu noir, mais très bon. Tout ce qu'on aurait, Michel, si tu voulais. Tout ce qu'on aurait. Si je voulais? Tu crois qu'il suffirait que... Allez, ça y est, j'en parle plus, c'est fini, c'est avalé, digéré. Ça n'a pas existé, on n'en parle plus, ça n'a pas existé. Bravo. Oh, bravo, tu es chic. Mais Michel, naturellement, je suis chic. Les hommes sont toujours chics. Mais c'est vrai, dis, tu es sûr de toi. Puisque je te le dis. Tu ne feras plus d'allusion, jamais. Tu n'auras plus d'arrière-pensée. J'ai une figure allusion, j'ai une gueule arrière-pensée, moi. Non, je sais pas, j'ai eu si peur. Allez, essaie de me prendre dans tes bras. Tant que tu m'auras pas prise dans tes bras. Tiens. On est des vieux copains, tous les deux. Tu sais bien. Des vieux copains comme nous, ça peut pas se détester. Hein? Mon copain. Michou. Tu m'étouffes, prends garde. Encore. Michou, veux-tu être sage? Écoute un peu. On ira ce soir à Maria, qu'elle fasse la couverture de bonheur. Nous voulons nous coucher tôt. Oui. Tu veux? Oui. Et maintenant? Maintenant? Oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu voudrais, toi? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, maintenant, si j'avais pas... Chut! J'aurais mis de gros souliers. J'aurais été par là voir s'il y avait pris une verre. Et tu voudrais pas? Tu n'aimerais pas que je t'accompagne? Mais si, Michel, au contraire, voyons, Michel. Allez, viens, on va faire un grand tour. On passera par la ferme, on rapportera des œufs. Oui. Il pleut pas, j'espère. Si. Oh, tant pis, ça ne fait rien. Ta pèlerine. A séché chez Maria, je la prends en passant. Chut. Écoute. Ça, par exemple. Quoi, qu'est-ce que c'est? Allez, viens, Michel, viens. Ne nous laissons pas passer ici, filons. Ah. Allez, viens, Michel. Ah, bah, c'est drôle, j'y pensais plus. C'est vrai, c'est que je l'avais presque oublié, celui-là. Viens, Maria lui dira que nous ne sommes pas là, que nous sommes partis. Mais pourquoi? Ça fait 2 fois qu'il vient, c'est mon associé, ça doit être bien intéressant ce qu'il a à me dire. Non, pas aujourd'hui, pas ici. Tu le verras à Paris plus tard. Mais à Paris pourquoi, plus tard. Puisqu'il est là? Tu as choisi pour me tromper le seul homme, justement, je ne peux pas ne pas voir. C'est pas de chance, mais qu'est-ce que tu veux? Michel, je te supplie. Tu as peur? Peur de quoi? Que je le crève à coups de talon? Que je lui arrache le foie, les yeux? Ah, t'as pas besoin d'avoir peur. Ce qui est dit est dit. J'ai tenu le coup devant toi, je tiendrai le coup devant lui. Le mouvement est donné. Profitons-en. Je vais même être très aimable, tu vas voir. On enchaîne. La vie continue. Monsieur Bordier. Mais qu'il entre! Où est-il? Où es-tu? Entre, mon vieux. Bonjour. Je te présente un ami. C'est encore moi. Bonjour, Alice. Alors, vous avez eu une entrée de garage, mes enfants. Comment vas-tu? C'est gentil, ça devenu. Je t'ai désolé, moi, ce matin. Mais assois-toi, débarrasse-toi, fais comme chez toi. Ça va bien chez toi? Charlotte, les enfants? Ah, t'as bonne mine, hein, Alice, t'as bonne mine. Qu'est-ce qu'on t'offre, un coup de marre? Ah bah t'as rien gai, toi. Eh oui, c'est le soleil. Ah non, mais croyez-vous, ce temps, hein, on vous fait bien remercier, Alice, pour le fromage. Mais miraculeux. Ah, je voulais aussi vous dire ce que vous m'avez demandé pour l'usine. Vous savez, vous en faites pas, c'est arrangé. Et puis, vous vouliez nous parler d'affaires? Ce doit être très important, c'est la seconde fois que vous venez. Nous vous écoutons. Non, laisse-nous, on n'a pas besoin de toi. Passe dans ta chambre un petit moment, tu veux. Mais pourquoi, Michel, je reste là, je tiens à rester là. Mais pourquoi, Michel, il n'y a pas de raison. Fais ce que je te dis. Mais excusez-moi, Ali, je ne serai pas long quelques minutes. Non, mais je ne vous gênerai pas, vous ne m'entendrez pas. Je m'installerai là dans ce petit coin, j'ai à finir. Allez. À nous demain. Mets-toi là, que je te vois, que je te regarde. Tu m'intéresses. Alors, dis-moi tout de suite, Franck a marché? Non, je m'en doutais. Il t'a dit que ce genre d'affaires n'offrait pas de sécurité, qu'il fallait être du métier pour apprécier. Ah, mais c'était cool, Michel, je les connais, ces mecs-là. Les clientes sont toujours très folles pour mettre leur mari en avant, puis une fois devant le mari, plus personne. À combien exactement cherches-tu? 6 millions. Hein, tu m'as parlé la semaine dernière de 6 millions. 6 millions, c'est bien ça? Eh bien, dis donc, je te parle. Oui, 6 millions, mettons, oui. Après? Après, ben, tu les as, mon petit gars. Moi, je te les fais. J'ai du liquide en ce moment et je le mets à ta disposition. Je suis du métier, moi, comprends-tu? J'apprécie, moi. Je te fais confiance. Je t'en ai rien dit l'autre jour parce que j'attendais le retour de Philippe. Je voulais que les deux petits soient d'accord. Ben, ils sont d'accord, tu comprends? Voilà ce que j'avais à te dire. Ça te va-t-il? Eh ben quoi, c'est tout ce que tu me réponds? Je te remercie beaucoup. Mais c'est plus la peine. Hein? Quoi, tu n'en veux pas? Je n'en ai plus besoin. Ah. Tu vas faire une bêtise, toi. Tu vas fermer un atelier, renvoyer Madame Jade, te mettre en veilleuse, quoi. Ah, c'est intelligent. Ah, je te croyais plus de camp que ça, mon petit. Mais Madame Jeanne va t'emporter 200 clients, c'est la première vendeuse de Paris, cette femme-là. Ah ben, si ça t'amuse de te suicider. Mais vraiment, c'était pas la peine de faire l'effort que tu as fait pour en arriver là. Mais vraiment, c'était pas la peine. Ben, j'arrivais, moi, comme le sauveur. Je croyais que tu allais me tomber dans les bras. Ben, comment tu aurais pris l'argent de Franck et tu repousses le mien? Ça, je comprends pas. Tu veux que je t'explique? Ah ben, j'aimerais bien. Oui. Eh bien. Non, là, c'est inutile. Ah ben, pardon, j'exige l'explication. Hein. Ben, l'horizon politique, le pays est malade, on sait pas où on... Oh, ben, si on se dit ça, alors plus la peine d'insister. Ça, ben, on est tous fissus, c'est bien simple. Mais fais pas l'idiot, Michel. Je la connais, ton affaire, elle ne demande qu'à pousser. Elle est comme toutes les affaires qui grandissent, c'est la soif. 6 millions que je t'ai apporté, c'est peut-être pas le Pérou, mais tout de même, par le temps qui court, c'est quelque chose. Il t'en faudra, l'argent, mon vieux, un peu plus tôt. Un peu plus tard, il t'en faudra. Et comme tu n'en trouveras pas chez les banquiers français, tous des timides et des foireux, exemple Franck, tu feras comme les petits camarades. Tu prendras de l'argent étranger, il te manquera pas celui-là, il verra te trouver tout seul. Seulement voilà, vous aviez fait Alice et toi une jolie maison française, indépendante, vous la féodrez comme les autres. Alors tu me diras que c'est pas que ça regarde. D'accord, mais moi je te dis que c'est dommage. Il en reste déjà plus tant des maisons de couture à Paris. Mais la politique, c'est ça, ça te regarde pas la politique. Ce qui te regarde, c'est de vendre des robes comme moi, de vendre des tissus. Je vais de l'avant et moi, et tant que ça peut. Je te ferai voir dans un instant ce que je fais avec mes métiers neufs. Si messieurs les politiciens doivent finir par tout bousiller, ce qui est possible évidemment, mais ce qui tout de même me surprendrait, tu comprends bien que rien n'aura plus d'importance. Mais je trouve tout de même qu'il vaudrait mieux, si on doit en arriver là, pouvoir se dire qu'au moins soit dans son petit domaine, on avait fait ce qu'on avait pu, voilà ce que je dis. Et puis madame, mon petit gars, à ton aide. Ah, t'as raison, tiens, le boulot, les affaires, s'en fourrer jusque-là. Le reste des foutaises. Allez, j'accepte tes conditions. non, mais je me disais aussi, ça ne te ressemblait pas, je ne te connaissais plus. Mais je m'en fous, mon petit gars, de mes conditions. Est-ce que ce seront ce que tu voudras, mes conditions? Je t'ai préparé un petit papier. Attends, tiens, voilà. Voilà. Ce qui n'ira pas, tu le modifieras toi-même, hein, je ne peux pas me le dire. Je t'ai mis 6% d'intérêt, si c'est trop, hein. Non, ben... La société. Ben, est-ce qu'elle est? Comment dites simple, augmentation de capital, je ne te demande aucun titre. Tu me donnes un droit de regard sur tes comptes, simplement. Hein? Ah, par exemple, que je te demande, c'est de forcer un peu l'emploi de mes tissus. Ouais, de me garantir une proportion de 70% mettant de tes besoins. Hein? Ça, c'est pas moi que ça regarde, c'est Alice. Je ne peux pas obliger Alice. Oh, mais ça va sans dire, consulte-la. Oh, je ne pense pas que ça la dérange. J'ai les plus beaux tissus de la place. Et quand je vais lui avoir montré mes nouveautés... Non, on va le savoir tout de suite. Alice? Ah, mais pose-lui la question, toi. J'ai quelques pièces dans mon speeder, je vais les sortir pendant ce temps-là. Dis donc, tu n'as pas ici quelqu'un qui peut me donner un petit coup de main, hein? Aya! Ah, sacré Michel! Ah, ça m'aurait étonné aussi qu'on ne s'entende pas tous les deux, hein? Depuis 20 ans qu'on se connaît, ça aurait été la première fois. Je m'appelle... Mais Maria, tu vas conduire monsieur... accompagner monsieur Bordier jusqu'au garage, là, tu feras ce qu'il te plaît. Je vais vous demander une seconde, Alice, je reviens tout de suite. Hein. Passez devant, madame Maria, mais il est magnifique en terreux. Moi qui craignais... Alors écoute-moi, s'il te plaît. Me voilà rassurée. Tu veux bien m'écouter? Il nous offre une combinaison intéressante pour nous, intéressante pour lui aussi. Naturellement, il ne nous fait pas de cadeau. Il t'offre de l'argent, quoi. Oui et non, enfin pas absolument. C'est-à-dire qu'en échange de certains avantages, à certaines conditions, j'estime que je n'ai pas le droit, en tant que chef responsable que gérant de la maison, c'est le seul moyen nous ayons de garder Madame Jeanne. On ne ferme plus l'atelier Cécilia. Enfin, tout s'arrange. Comme tu vois. Non, il demande, et c'est bien naturel, c'est pour ça que je t'appelle, parce que je signe que cela, c'est toi seul que ça regarde. Il demande que nous nous servions de ce tissu dans une proportion légèrement augmentée, que nous lui garantissions. Ah, ça, non. Ça, par exemple, non. J'entends choisir mes tissus comme ça me plaît, où ça me plaît. Je m'en fiche, moi, de l'atelier Cécilia, un atelier de tailleur pour l'intérêt que ça va. Réfléchis, fermer l'atelier Cécilia, c'est mettre 25 femmes à la rue. Oh, si c'est une question de philanthropie... Il ne s'agit pas de philanthropie, mais enfin, 25 femmes, ça compte tout de même. Enfin, moi, je trouve. C'est magnifique, ça. Je m'impose un effort formidable. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que représente pour moi le tête-à-tête avec cet homme, l'empire qu'il a fallu... Pas de cri, la porte est ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dis vite. Dépêche-moi, le voilà. Ce que tu voudras, ça m'est égal. Si tu savais ce que tout m'est égal. Ah, voilà. J'ai pas pu vous apporter grand-chose. C'est dimanche, mon magasinier, naturellement, n'était pas là. Voilà. Tu posez ça là, madame Maria, vous voulez bien? Merci beaucoup. Il y a M. Chevès qui est là avec ses comptes. Qu'est-ce que je lui dis? Ah, que je ne peux pas le recevoir, qu'il m'excuse, que je suis occupé, qu'il vienne me voir ce soir après le dîner, s'il peut. Oui, il pourra, il pourra. Voilà, j'ai pris avec moi ce que j'avais sur mon bureau, quelques pauvres petits pliages de mousselines imprimées. Et puis ça. Hein? Non, mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alice. C'est bien. Vous réclamiez depuis longtemps un tissu lourd, plombant, là, qui pousse sans coller. Vous voyez bien que ça pouvait se faire. Ah, oh, ça pouvait se faire, mais non, d'un chien, c'était pas facile à faire, ce qu'on a dépensé en essai, mes enfants. Hein? Hein, cette tombée. Ben, c'est ça, la soirée, mes enfants. C'est un toucher, un enveloppement et une tombée. C'est un 110? Non, c'est un 120. Vous me l'avez fait dans plusieurs tons? Vert et lilas, brillant et mat. C'est bien, monsieur. Ouais, c'est bien, c'est nouveau, on n'a pas vu ça. Ça va être un succès, tu ne crois pas? Sûrement. Oh, dites pas ça, on ne peut jamais rien dire d'avance, le public est si drôle. Voyons vos impressions. Et voilà. Attendez, j'en ai 12 liasses comme ça. Pas mal, hein, Michel. Oh, tiens. Voilà une qui me plaît. Elle est rafraîchissante, hein, pour des robes de jardin, hein, Michel. Remontrez-moi votre brochet. Ah, il vous intéresse, mon brochet, hein? Et voilà. Drapez-le, voulez-vous, on voit mieux en drapant. Ouais. Voilà. Alors, ça vous plaît? C'est bien. Oui, et mes mousselines imprimées, ça va? Ça va, tout va. Ma garantie de proportion, alors je l'ai? Mande-lui. Alice. Mais oui, oui, naturellement. Alors, on est d'accord? Oh, bravo! Magnifico! Ah, je suis rudement content, vous savez, mes enfants, ça c'est vrai, je suis content comme un gosse, vous allez voir, ça va barder, on va en ficher un sacré coup tous les trois. Alice, vous allez nous sortir une collection un peu sensationnelle, j'espère. Hein? On y pense. Ah, j'ai pas d'inquiétude. Eh bon, eh ben là-dessus, moi, mes enfants, je vous laisse. Madame Maria, allez, adieu mon gros, et téléphone-moi aussitôt rentré qu'on aille un peu vite chez le notaire. Hein? Tenez, Madame Maria, vous voulez prendre ça, ce serait bien gentil. Ah, merci beaucoup. Voilà, au revoir Alice. Ah, il faut que je vous voie moi aussi, j'ai des cartons à vous passer. Bon. Elles sont bien vos impressions, mais manquent un peu d'accent. Ouais. J'ai des femmes à peau ennuyeuses qu'il faut que j'anime avec du dessin. Ah, ben passez-moi vos cartons, moi, je demande que ça, et donnez-moi vos directives, allez, n'ayez pas peur. Une étroite collaboration du textile et de la couturière, ben il n'y a que ça, moi je l'ai toujours dit. Toutes vos suggestions, on les réalisera. Ah, c'est tellement amusant de travailler avec elle. N'est-ce pas? Elle a un œil, elle a une sûreté, puis un sens de la mode avec ça. Oh, j'en ai connu des couturières. Dites-moi, Alice, vendredi vers les 5 heures, vous n'auriez pas un petit moment à me donner? Comment? Mais tous les moments que tu voudras, pour toi, tu penses. Elle déblaira sa fin de journée pour te recevoir. Et puis on vous montrera le thé, hein? La collaboration, c'est ça, parbleu. Puis pendant ce temps-là, moi, j'irai faire un tour de course. Qu'est-ce qu'il a? Michel! Et puis dans ça là dans mon bureau, tu voudras ton sale nez d'arménie, toi. Michel! Qu'est-ce qui lui prend? Droit de regard. Oh, c'est ce droit de regard qui te chiffonne. Fallait le dire tout de suite, mon petit vieux, c'est idiot. De toi, moi, qu'est-ce que ça peut bien te faire, mais toi, à ma place? J'y suis bien forcé quand ça ne serait que vis-à-vis de mes fils. Je m'en fous de tes fils! Ah, c'est pas gentil ce que tu dis là, je prends ta femme à témoin, va t'en prendre ça, Alice, tranquille! Oh, écoutez, vous n'allez pas vous disputer pour un détail, c'est un détail! Laisse-le partir, il est fatigué! Mais toi, la paix! Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu as? T'étais pas louf, là? J'ai que tu m'emmerdes, puis j'en ai assez! Ah, dis donc, j'ai pas assez cette manière-là, hein, qu'est-ce que tu as? Mais dis donc, c'est la folie furieuse, ça sonne, ça, mon vieux! Filez-vous, mais filez donc! T'as pas compris, non? Bon, c'est à vous que j'obéis, Alice. Quant à nous deux... Mais te fous de quoi, nom de Dieu? Au revoir, Alice. Oh, ça fait du bien. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Oui, je me rends compte. C'est intelligent. C'est malin. Non, c'est pas intelligent. C'est pas malin. Je me reconnais. Je t'avais promis de tenir le coup, j'ai pas tenu. Je m'en parle. Hein? Si, encore. Il s'était agi que d'un vertige physique. D'une. Si encore. Tu comprends? Si encore. Pièce de Paul Giraldi d'après le roman de Colette. Voici immédiatement le troisième et dernier acte de cette pièce. Le décor du troisième acte n'a pas changé. C'est le soir, il y a du feu dans la cheminée. Alice et Michel jouent aux cartes. Et Maria, la servante, entre de temps en temps. C'est pas chic, cette manière de fumer. Je regrette, je ne sais ni jouer ni fumer autrement. Je te répète que j'ai une tierce. Là, tu tousses à présent. Ce mégot te pique les yeux et te fait tousser. Quand les femmes prennent aux hommes une mauvaise habitude, pourra vous dire qu'elles leur prennent avec toutes ces laideurs et toutes ces négligences. C'est en ce moment ton cas. Il y a un moment. J'ai donc une tierce. Et j'aime autant que tu saches tout de suite quel est ton roi. Je t'écoute. J'ai un 50. Il est bon. Fais un peu attention à ce que tu fais, je t'en prie, tu joues comme une passoire. Je te préviens qu'il me manque que 60 points pour finir. Ben, tu n'as pas d'atout? Ben, à quoi penses-tu enfin, Michel? Ben, je pense que tu m'as trompé. De quoi veux-tu que je pense? Est-ce que tu le tutoyais? Si je le tutoyais? Oui. Quelquefois, oui, je crois. Quelquefois. J'apprécie la restriction. Elle fait image, vraiment. Tu n'as pas volé. Ça t'apprendra à me poser d'autres questions. Je pensais que ton éclat de cet après-midi, que d'avoir expulsé ce garçon de notre vie, de nos affaires... D'avoir torpillé la maison, ça t'aurait détendu les nerfs. Que nous pourrions du moins espérer qu'à présent... Tu m'en as seulement rien dit, mon éclat. Tu aurais pu au moins me dire ce que tu en avais pensé. J'en ai pensé, j'en pense encore que c'est à pleurer. Qu'on ne peut pas plus allègrement faire le jeu de ses concurrents. Se couler à pic avec plus de désinvolture. Mais que c'est fait qu'il n'y a pas à y revenir. Et qu'après tout, c'est toi que ça regarde. Il n'est pas dans ton habitude de donner beaucoup d'importance à mon opinion en matière d'affaires. Ce en quoi tu as peut-être tort. Veux-tu couper? Ne joue pas sur les mots, Alice. C'est pas ça que je te demande. Je ne suis pas de force aujourd'hui. Il y a des femmes, à mon avis, à mon humble avis, qui se sentiraient orgueilleuses d'avoir inspiré à un homme une décision aussi jalouse, d'avoir passé avant les questions d'intérêt, avant les raisons raisonnables, avant tout. Ne t'aventure jamais, Michel, à décider ce qui rend ou non une femme orgueilleuse. Oui, oh, je sais. Non, justement, tu ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais? C'était à moi de donner. Je t'avais demandé de couper. Ma femme. Avoue que tu le regrettes à présent, ton éclat. Je n'ai pas l'habitude de regretter ce que j'ai fait. Il n'avouera pas, bien sûr. C'est tellement dans mon habitude, n'est-ce pas, de regretter ce que j'ai fait, de te dissimuler ma pensée, de te cacher ce que j'éprouve. C'est tellement moi, ce chiquet-là, hein? Tellement moi. Ha! Je mets. Je ne dis pas que je ne regrette pas de m'être laissé emporter avec cette violence, d'avoir aussi complètement perdu la commande de mes nerfs. J'ai manqué de classe, je le reconnais. Qu'est-ce que tu veux, un jour ou l'autre, il aurait bien fallu que tout casse. Tu as continué à voir ce monsieur circuler chez moi comme chez lui, grimper chez toi à tout propos, bavarder pendant des heures avec toi dans ton atelier, discuter dessins, coloris, en te soufflant la figure. Je m'en vante pas, c'est peut-être pas un très beau caractère. Mais j'avoue... Que la tâche était au-dessus de tes forces. Alice... Oh, ne te fâche pas, je te traite mal, je sais, mais que veux-tu, je réagis, moi aussi. J'ai le droit d'être un peu énervée, moi aussi, avoue qu'il y a toi. J'ai eu aussi, moi, quelque chose de bien tassé en fait d'après-midi, oh, tu ouais. sais. Prends-t'en à toi, ma petite. Je vais te tenir tranquille, c'est encore, comme je te l'ai dit, cet étagé entre toi et ce garçon, que d'une rafale d'essence. Si encore... Oh non, écoute, on ne va pas recommencer. Laisse cette histoire tranquille, maintenant. Si on se remet à parler de ça, on va encore se rendre enragés tous les deux. Bordier est balayé, l'affaire est balayée, enterrons l'affaire et Bordier. Et tâchons d'être un peu silencieux, je t'en supplie. Et puis joue, quoi. Mais t'as raison, va tout ce qu'on pourrait dire là-dessus maintenant. Hein. Allez, jette tout ça. Quoi, tout ça? Mais jette, je te dis. Pourquoi? Tout est pour moi. 24, 36, 40. Oh! Tu me dois des sommes folles aujourd'hui, 212 francs. Tu as perdu ce soir, Michel, avec une obstination. Tu avais pourtant, soyons justes, fait tout ce que tu avais pu pour mettre toutes les chances de mon côté. J'attendais depuis un moment cette remarque judicieuse, autant qu'originale. Tu me donnes ma revanche? Non, j'ai le coupé de faire Charlemagne, tu joues trop mal ce soir, c'est pas amusant. Et je me verse un verre de mare. On va se coucher. À 9h, comme les poules, mais vas-y, toi, si tu veux. Moi, j'y tiens pas à me retourner pendant des heures entre mes draps, m'énerver à ne pas dormir. Merci bien. Chevestre doit venir d'ailleurs avec ses comptes. Tu avais bien besoin de Chevestre ce soir. Tu pouvais pas le remettre à demain? Je l'ai déjà remis, il se vexerait. Et après, il se dévexerait, voilà tout. Comment te sens-tu ce soir? Un peu comme ci, comme ça. Si je faisais faire un peu de vin chaud, tu sais, 8 morceaux de sucre, une cuillerée de cannelle. Maria n'est pas encore couchée, elle a peut-être encore du feu. Je peux t'en faire pour toi si tu veux. Moi, ce sera de l'aspirine. Encore? Tu as déjà dîné avec de l'aspirine. Tu n'as pas de température, j'espère. Non, c'est rien. Tu me feras le plaisir de t'en assurer tout à l'heure. Je n'aime pas quand je te vois se plier là, sous les yeux. Tu entends ce potin, mais qu'est-ce qu'ils font par là? Il n'y aura pas moyen d'avoir un peu de silence, non? Ton chevestre, tiens, qui t'arrive. Tu le reçois ici? Non, tu me la hurierais encore avec tes questions oiseuses et ton genre artiste. J'en aurais pour des heures, merci. Si tu veux que je vous laisse la place. Non, non, non. C'est M. Chevestre, il est là? Oui, oui, dans la salle à manger. C'est bon, j'y vais. Eh bien, Chevestre, alors à présent, est-ce qu'il faut vous amener par l'oreille jusqu'à un verre de vin? Alors. Dites-moi, Maria. Madame. Monsieur n'a encore rien mangé ce soir. Je sais. Il faut que monsieur retrouve son appétit, Maria. Je ne demande pas mieux, madame. Si madame croit que c'est une question de cuisine... Il faudrait tâcher de nous faire demain quelque chose d'un peu plus... Ah oui, j'ai compris. Bien, madame. Hé, là, la tasse! Eh oui, la tasse! Vous avez bien le canard? Pourquoi pas? Le canard, madame, ça donne des songes. Je ne les crains pas. Mettez le canard, allez. C'est madame ou monsieur qui a échappé la tasse? C'est monsieur. Que ce soit lui ou moi, ça ne change en rien le résultat. Hein, ce monsieur? On n'aurait pas dû. Est-ce que vous avez dans vos bras, vous? Une coupure, une brûlure? Oh, trois fois rien. Trois fois rien sous un bandage bien mal attaché, montrez-moi. Le travail d'une seule main, c'est pas si mal. Placé d'une main et attaché avec les dents. Votre mari pouvait donc pas vous aider? Il m'a bien aidé, mais pas à me penser. Mais c'est... Oh! Qu'est-ce que c'est? L'eau bouillante au bord du fourneau? Non pas, madame, c'est le tisonnier. Le tisonnier, non. Comment tisonnier? C'est une devinette. Madame ne devine pas qui m'a fait cette grosse bouffe? Ben, c'est le gros, là, l'imbécile. Le lourd de fesses, le mou. Votre homme? Hein? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il s'en revanche. De quoi? De ce qu'il est mon homme et que je suis sa femme, ça suffit bien. Madame ne croit pas? Je ne vous fais pas mal? Je vous mettrai demain un liniment meilleur que ça. Mais du travail bien fait, madame à la bonne heure. Est-ce que madame croit qu'il a, monsieur? Je sais pas. Du surmenage, un mauvais air rapporté de Paris. Un peu de gris. Madame ne fait pas venir le docteur? Nous verrons. Il fera beau demain, il sera peut-être un peu plus content. Il fera beau, qui a dit ça qu'il ferait beau? Le vent tourne. Oh, c'est vrai que le ciel est plein d'étoiles. Oh, si vous pouviez dire vrai, Maria, je sais bien ce que je ferais, moi, s'il faisait beau. J'irais me promener, on déjeunerait sur la terrasse. Vous monteriez du cidre, hein? Moi, madame, je veux bien. C'est vrai que vous voulez bien, Maria? Mmh. Ben, puisque vous êtes tellement gentille, allez me chercher ma chemise de nuit, apportez-la ici. Je me déshabille devant le feu, j'aurai plus chaud. Le facteur... C'est toujours 11h le matin. Oh non, mais dites plus qu'on est inondé, il faut qu'il fasse le grand tour maintenant. Déjà fini? Oui, je n'avais pas le cœur ce soir, écoutez ses boniments. Je lui ai dit de me laisser ses comptes, que je les vérifierai à tête reposée. Tu as dû lui faire bien plaisir. Pourquoi me dis-tu ça? Regarde. Vos affaires, madame. Merci, Maria. Bonsoir, Maria. Pour les commissions de demain matin, madame est toujours dans les mêmes idées? Oui, comme nous avions dit, vous avez oublié. Oh non, madame, je disais ça. Alors allez dormir, vous l'avez bien gagné, votre lit. Il me fait pas peine, mon lit. Bonsoir, monsieur, madame. Bonsoir, Maria. Merci, bonsoir, Maria. Pourquoi, en le priant de me laisser ses comptes, n'ai-je pas fait plaisir, s'il te plaît, je reste? Pour rien, pour rien. Parce que, naturellement, ses comptes sont falsifiés jusqu'à la gauche, qu'il n'y a là que dons et prévarications. C'est formidable, cet entêtement, de voir partout que les gens fourbes et menteurs. Qu'est-ce que tu fais? Tu écris? Tu vois. On peut savoir à qui? Ah ah, à qui puis-je bien écrire, mon Dieu? À mon fol amant, hein? Je plaisante, je ne devrais pas, mais c'est ta tête aussi. Qu'est-ce que tu crois, Michel? J'écris à Bisoute, là. Je réponds à sa lettre. Elle est très amusante, sa lettre. Elle a de l'esprit, parfois, ma sœur. Écoute, ne fais pas cette figure. Du fond de mon intimité, laisse-moi être une seconde de bonne humeur. Faire une seconde des galipettes et des bulles dans ma vase immonde. Je croyais que tu écrivais. Oui, mais je n'écris plus. Tu m'en as fait perdre l'envie. On s'amuse bien. Sur les engrais, 40% d'augmentation. Et allez donc. Et la main-d'œuvre. Ça, alors, la main-d'œuvre. Écoute, laisse ça ce soir. Tu auras bien le temps de. Il y a 6 mois, j'ai envoyé le ménage d'Iot. D'excellents serviteurs. D'excellents serviteurs, parce que la prêche-vesse nous coûtait trop cher. Or, j'ai 2 fois plus de frais de main-d'œuvre pour ce semestre-ci que pour l'autre. Étrange, évidemment. 1100 heures de journalier. Simplement. Simplement. Une paille. Tu vois. Tu ne viens toujours pas. Alors, je vais te dire bonsoir, Michel. Je te demande pardon, mais je ne tiens plus. Bonsoir, Michel. Tu n'as besoin de rien. Merci. Ce que je voudrais, tu ne peux pas me le donner. Alice, une seconde encore. Un tout petit mot. Je voudrais dire un tout petit mot. J'en ai pour 2 minutes. Écoute. Tu m'as demandé de ne plus revenir sur... Sur ce que tu sais, tu as eu raison, je crois que c'est ce qu'il y aurait de mieux. Je voudrais pourtant en parler encore 2 minutes. Après, ce sera fini, j'aurai tout dit, je te jure, je ne pourrai plus que me répéter. Mais j'ai dans la tête une idée qui tourne, qui me fatigue, et je crois que ça me ferait du bien de la dire. Alors, à qui veux-tu que je la dise? 2 minutes. Tu veux bien m'accorder 2 minutes? Mais oui, Michel. Allez, va. Je t'écoute. Ben voilà. Tu m'as expliqué tantôt que cet écart de quelques jours, fruit d'une minute de désarroi, n'avait laissé en toi qu'une espèce de trace. Que Bordier t'était devenu indifférent, plus indifférent que quiconque, puisqu'en somme, tu l'avais rejeté après essai. Tu m'as dit que la jalousie, la jalousie rétrospective, et j'admets que la mienne ne soit pas autre chose, était absurde, considérée d'un point de vue objectif, parfaitement indéfendable. Les hommes, les femmes, on sait ce que c'est, de quoi c'est fait, qu'il faut être bien borné, bien ridiculement systématique pour exiger de son conjoint toute l'existence, une fidélité physique sans défaillance. Il y a beau temps que les jeunes générations ont envoyé promener cette mystique enfantine qui nous fait nous torturer le cœur pour d'innocentes histoires de lit, et qu'elles se sont débarrassées d'habitudes d'esprit périmées qui n'ont plus cours à l'heure actuelle que chez quelques bourgeois fossiles. Je parle bien, hein? Où veux-tu en venir, attends, Michel? Attends, j'y arrive. Je te regardais pendant le dîner, rose sous la lampe, le sang aux joues. Et je me disais, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'il soit arrivé ça qu'un accident d'auto qui me l'ait cassé, défiguré? Et me poser la question, c'était y répondre. Je te laisse juge, Michel. Alors? Non, tout ça pour te dire que je t'ai bien écouté, tu vois, et pas trop mal comprise, et que j'ai fait tout mon effort consciencieusement, c'était mon intérêt d'ailleurs, pour essayer de te croire, pour me ranger à ton avis. Je sais, Michel, que tu as fait ce que tu as pu. Je m'en réfléchis. J'avais un foyer. Quoi? Tu n'aimes pas ce mot de foyer? Tu le trouves comte Moreau, musée des familles, veillée des chaumières, soit. Mettons, j'avais une femme, si tu préfères. Tu te rappelles comment nous nous étions connus? J'étais comptable chez Maignan. Tu es entré dans mon bureau pour encaisser 3 dessins, 1600 francs le dessin. Pendant que je préparais le reçu, tu t'es assis sur ma table. J'ai relevé les yeux, j'ai rencontré les tiens. Le soir, tu étais ma maîtresse. Tout ce qui nous est arrivé depuis est parti de cette minute-là, cette spontanéité, cet élan, cette crânerie. Je leur avais donné un très beau sens, très beau. J'avais vu là une sorte de prescience divine, d'instinct merveilleux. La femme qui sent tout de suite l'homme qui est fait pour elle, qui veut qu'il soit son homme et qui va droit au but. Seulement, maintenant, maintenant... Michel. Attends. J'avais un ami. Un ami. Un vieux témoin de mon existence, avec qui je m'entendais bien, qui m'était utile, qui me poussait, qui me freinait, que j'aimais bien aussi. C'est avec lui que tu as couché. Tu me diras, c'est toujours comme ça, c'est toujours avec votre ami que les femmes vous trompent. Avec qui voulez-vous que ce soit? Elles ne vont pas chercher midi à 14h, les femmes. Elles prennent tout naturellement l'homme qui est là, à leur portée, dont on leur a dit du bien, qui entre facilement chez elles. Seulement, ma femme, mon ami, c'est pas tout. Qui a-t-on comme ami? Qui avait-on choisi? Un type de votre bord, parbleu, qui fait un peu le même truc que vous, avec qui on pouvait parler des choses qui vous intéressent. Moi, mon ami, c'était un peu mon associé, c'était mon principal fournisseur, mon banquier, l'homme qui m'avait sorti des emplois subalternes, qui m'avait aidé à monter ma maison, qui allait une fois encore me sortir de l'ornière. À présent, elle est bien malade, notre affaire à présent, tu sais. Alors, tu vois, ma femme, mon ami, on l'a fait. Tout se tient dans la vie d'un homme. Un geste. Évidemment, c'est pas grand-chose qu'un geste. Mais qu'est-ce qui me reste à moi maintenant? Rien. J'ai plus rien. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. Tu peux aller te coucher, je te remercie. Excuse-moi, bonsoir. Merci. Tu me diras que tout est de ma faute. Que si je m'étais tenu peinard devant Bordier, que si j'avais été ce que tu voulais que je sois, intelligent. Les hommes ne sont pas intelligents, vois-tu. Ils sont idiots, les hommes. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Si encore, je te l'ai déjà dit 10 fois, 20 fois, oui, si encore j'avais cette consolation. Qu'est-ce que je dis? Mais oui, oui, après tout, c'en serait une si je pouvais me dire qu'une insurrection seule des sens, une brutalité sensuelle est presque toujours dans la vie d'une femme, je parle d'une femme équilibrée, une minute d'exception, un passage morbide, hein? Oui, je t'écoute. Si encore je pouvais me dire qu'une flambée animale, je m'en serais tiré. Oui, que veux-tu, je m'en serais tiré, je suis ainsi fait. Mais c'est cet accord moral, c'est cette amitié tendre, ça va, tu sais, c'est affreux. Tu ne me parles plus guère de toi depuis quelque temps, de quoi parlons-nous, hein? Des petites, la maison, des affaires. Mais ce partenaire nouveau qui n'était pas usé, dont tu venais de découvrir la qualité de compréhension et de finesse, tu as dû lui en dire. Qu'est-ce que tu lui as dit? Jusqu'à quel point m'as-tu montré, trahi, vendu, toi pour qui je n'avais rien de caché, car que ne dit-on pas dans un moment pareil? Oh, je connais ta lucidité, ton œil à qui on ne cache rien. Tu as si mauvaise opinion de toi, Michel. Moi, oh non! Non, je ne me sens ni plus mauvais ni plus bête qu'un autre. À mon âge, on sait à peu près à quoi s'en tenir sur ce qu'on est. C'est parfaitement strictement. Tu m'aides d'ailleurs à ne pas me faire d'illusions. Je sais que je suis lourd, que je me répète souvent, que je me sers en parlant de clichés qui t'agacent. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est de la neurasthénie, ça, Michel. Complexe d'infériorité, tu ne vas pas donner là-dedans. Peu importe, d'ailleurs, là n'est pas la question. Tout ça pour te dire que j'aurais mille fois préféré le coup de chaleur le plus brutal à cette camaraderie sournoise. À ce coin de feu. C'est ça, vois-tu, qui ne passe pas. La chair, quand il n'y a que la chair. Si lourd que je sois, je ne suis pas assez primaire pour faire dépendre le bonheur d'une existence, d'une défaillance purement physique. Je te jure, s'il ne s'était agi que de cela, je m'en serais... J'aurais levé les yeux au ciel, je t'aurais dit, ma pauvre petite, que veux-tu? Tu es moins à blâmer qu'à plaindre. Mais quand la chair outrepasse la chair, pour devenir ce moyen d'expression formidable, total, le seul en somme qui compte, quoi, ou l'être tout entier... Ça, vois-tu, c'est affreux, ça, c'est atroce, ça, c'est intolérable, quoi, ça. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as dû nous faire là, ma petite fille? Michel, mon petit Michel. Oh, non, non, c'est trop absurde. Qu'est-ce que tu fais là? C'est à ça que tu penses en ce moment, mon Michel? Non, laisse-moi me donner du courage. Du courage? Il m'en fout. Écoute, Michel. Justement, je t'ai menti. Nous sommes dans l'absurde, Michel, depuis ce matin. Je vais te dire la vérité. Quand? Oh, tout est de ma faute. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais c'est une chance. Mais aide-moi, Michel, tu vois bien que je peine. Alors va. Tu me répètes depuis ce matin que tu aurais préféré, enfin, que tu aurais accordé moins d'importance à une... Oui, va, et passe. Que ton indulgence, ta compréhension, tout oui. Au moins, s'est acquise à une... Va donc, passe. Eh bien, c'est d'un coup de sens, en effet, qu'il ne s'agit pas d'autre chose. Pourquoi je t'ai menti? Par bêtise. Parce qu'on a davantage la pudeur d'un coup de sens. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. Et puis, je croyais que ça te ferait moins de peine. On ne peut pas manquer davantage de jugement, de pénétration. Alors, toute cette histoire d'amitié, de sympathie, de confiance, je l'ai inventée de toutes pièces. Depuis ce matin, voici ces bêtes. Tu te martyrises pour un mensonge, une invention de femme traquée qui, croyant adoucir ta peine, a travaillé contre elle et contre toi. Voilà. Crois-moi cette fois, je te dis la vérité cette fois. Bordier ne m'a jamais inspiré le moindre sentiment, je te le jure. Enfin, rappelle-toi ce que je t'en ai dit, ce que je t'en ai toujours dit. Je me trompe rarement, moi, sur les gens. Je reviens rarement sur mon opinion. Je n'en ai jamais changé sur lui. Il réussit, c'est entendu. Il n'a pas emmené bêtement sa barque, mais enfin, tout de même. C'est un homme ordinaire. Tu ne me vois pas aimant Bordier, me confiant à Bordier. Tu me connais, enfin, réfléchis. Et s'il est arrivé... Ce qui est arrivé, c'est que, justement, il m'a semblé qu'avec ce lionnet de Syrie, ça n'avait pas grande importance. Très ingénieux. Mais non, c'est pas ingénieux, c'est vrai, tout bonnement vrai. Ça n'a que ce mérite-là, mais ça l'a bien. Je couchais avec lui brutalement, sans préliminaire, sans histoire et sans phrase, parce qu'un soir... J'écoute. Parce qu'un soir, j'ai eu envie de lui, là, physiquement envie de lui. Une envie saisonnière qui est tombée sur lui parce qu'il était là, tout simplement. Qu'il avait ce mérite, tout bonnement, d'être présent. Et c'est si vrai ce que je te dis là, cette idiotie avait si peu compté pour moi que je l'avais oublié. J'avais même jamais pensé à détruire cet être absurde qui était là depuis un an, que tu aurais pu trouver 100 fois. C'est un mot qu'il a dit ce matin par hasard qui m'y a fait penser. J'allais l'anéantir, cette lettre, comme on anéantit une saleté venimeuse. La malchance a voulu, le feu s'était éteint, tu sais la suite. Et voilà, Michel. Voilà toute la laide et triste histoire. Un coup de chaleur bien sale et c'est tout. Tu entends exactement tout, là. Oui, parfaitement. En somme, si j'ai bien compris, il se serait agi d'une bonne affaire, hein, c'est ça? Pargue-moi tes ricanements. Tâche, à défaut de bonté, de compréhension, de témoigner d'un peu de logique. Me l'as-tu assez dit, assez répété, qu'un coup de sens pour toi? Je te le dis encore, mais qu'est-ce qui me prouve que tu n'as pas retourné ta veste une... Qu'il ne me croit pas? Ah, cet endroit. Mais tu n'es pas très perspicace, laisse-moi te dire. Car pour qu'une femme ose un aveu pareil, ma brutalité, mon cynisme cachent un certain courage, rapportant à moi. Rien ne m'empêchait de mentir au mensonge de ce matin, qui avait du moins l'avantage de ménager ma... Ta pudeur. Je ne dis pas que je n'ai pas envie de te croire, mais il y a des limites à la bonne volonté. La mienne s'appuie sur du solide. À toi de démontrer que, comme elle, tu n'as pas dédaigné de t'appuyer sur des réalités puissantes. Ah, mets-toi à ma place. Des preuves? Quelles preuves veux-tu que je... C'est ce matin qu'il m'a fallu m'en demander. Ce matin? Oh, le norme. C'est que tu as cru ce que je t'ai dit ce matin. Comment ça? Moi qui ne tenais pas debout. Cette histoire d'amitié, voyons. Tu avais lu sa lettre, enfin. Prends pas. Il n'était pas question que je sache dans cette lettre de sentiments bien raffinés. Tu les as oubliés, les termes de sa lettre? Ils étaient assez vifs, il me semble, pour que... Assez vifs? Je ne voudrais tout de même pas que ce soit moi qui te rappelle. J'avoue m'être attaché au fond plus qu'à la forme, mais avoir lu assez rapidement et m'être contenté, si je peux dire, de quelques lignes. J'avais d'ailleurs, en la lisant cette lettre, un peu le sang à la tête, si bien que les lignes dansaient un peu. C'est regrettable. Oui, tu commences à me donner des regrets. Ce que c'est que de ne pas faire consciencieusement les choses qu'on fait. Heureusement, il n'est pas trop tard, rien n'est perdu. Tu veux garder? Oui, figure-toi. Non, n'allez pas ça, Michel, tant mieux si tu n'as pas tout lu. Il est en train de faire quelque chose du monde. Un peu plus loin. 2 mètres. Michel s'assied à une table pour reconstituer la lettre déchirée. De quoi s'occuper en famille? On commence par placer les angles, les 4 angles. Les métaphores évocatrices doivent se trouver au milieu, en bonne page. Ceci, évidemment, vient là. Ceci, là. Ah, mais le voici, mon angle 4e. Voilà, cette fois, nous y sommes. Chut, tu as raison. C'est brutal, mais c'est clair. J'avais passé sur le plus beau. Je n'en demandais pas tant. Christy, c'est laconique, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Oh, idiot, je l'ai dit, maintenant j'ai dit, pourquoi l'ai-je dit? Crie à paix! Ils s'en ont pas, je vais te tuer, non! Tu vas à Somme, au point où nous en sommes. Où vas-tu? Cette fois, j'ai mon compte. C'est-à-dire? Veux-tu me lasser? Ah, veux-tu, Michel? Je te défends de me faire ses yeux là, tu entends? Ne me touche pas, je te défends. Mais moi, de me faire ses yeux là, tu entends, petit ami, ça me fait peur, Michel! Tu n'es tout de même pas cette chiffre-là qui supprime pour accoucher à cette femme, hein, dis! Pour un couchage de femme, un homme fini, foutu, liquidé à la mer. Soyons modestes. À la rivière. J'en étais sûr, hein. La courbe, hein. Le tourbillon à la hauteur de son départ. Sauter par cette fenêtre, dévaler le pré et en bas, plouf. Et à noyer qu'on me ramène les pieds devant. Ça me manquait, cette menace-là, cette angoisse-là. Ne me fais jamais ça, je ne te le pardonnerai pas, tu sais. Rassure-toi, je n'attendrai pas encore cette fois-ci à mes jours. Pour s'en aller comme ça, il faudrait pouvoir se dire qu'on laisse tout en ordre à peu près derrière soi. Et ce n'est fichtrement pas le cas. Avec des échéances dont je n'ai pas le premier sou, Crancey hypothéqué jusqu'à la gauche, et tout. C'est pas possible. C'est heureux. Seulement, qu'est-ce que je vais faire de moi maintenant? Si seulement j'avais pas lu ce que j'ai lu. Et j'ai lu. Et bien lu. Ce qui peut tenir de saleté dans trois lignes, c'est incroyable. Ça a pourtant été si simple. Une petite opération de rien du tout. Étendez-vous, monsieur. Respirez. Respirez. Encore. Encore. Anesthésie. Ça va, tu ne vas pas te taire. Tout ceci est d'un goût. Déplorable, tu as raison. Cette soirée manque un peu d'humour, je l'en connais. Mais qu'est-ce que tu veux quand on endure ce que j'endure? C'est ta faute aussi. Tu m'aiguilles sur une histoire sentimentale, un peu bavardeuse et fouilleuse, coin du feu. Psh, psh. Je m'organise pour encaisser le mieux que je peux, et tout d'un coup, changement à vue, histoire de cuisse, ma chère. Bah, fallait le dire tout de suite. C'est tout mon système de défense qui est à prendre à zéro. Ça ne fait rien, va, on y va, on remet ça. La vie est là, elle a des exigences, la garce. Allez, on démarre, on se refait vivre, on y va. Mais tu sincères en ce moment, où essaies-tu de me tromper? Bah, pour endormir ta vigilance et accomplir mes desseins homicides sans risquer d'être dérangé. Mais tu crois que je suis comme toi, que je triche au jeu, que je te mens? Tu n'as pas encore compris, depuis 10 ans qu'on se connaît, que je suis stupidement honnête. Si je te déclare que j'ai renoncé à mes intentions homicides, j'ai renoncé, tu peux me croire, seulement, n'en jette plus. Je suis au bout, cette fois, de mes facultés d'encaissement. J'en ai reçu quelques-uns des coups durs dans ma vie, tu sais, mais celui-là, c'est de beaucoup le pire. Ce qui m'arrive aujourd'hui est tellement plus dur que tout le reste, que je me demande s'il y a un reste. Si le bazar, nos ambitions, l'argent, le succès ne se ramènent pas à ça, et si la seule réussite qui compte, ce ne sera pas de se dire à la fin qu'une femme vous a rendu heureux, avec un peu de continuité. Nous vous sommes cependant fichtrement supérieurs. Peut-être pas. Je ne sais plus. N'en parlons plus, tiens. C'est la troisième fois de la journée que je te dis qu'on n'en parlera plus, que je te déclare solennellement que c'est fini. Mais cette fois, c'est la bonne. J'enfonce cette histoire dans ma poche et je fiche mon mouchoir par-dessus. Seulement, je vais te demander quelque chose, par exemple. C'est de partir d'ici. Je fiche qu'on rentre à Paris en vitesse tous les deux. Hein? Oh, ça, d'accord. Piquer une tête tout de suite dans le boulot, voilà ce qu'il me faut. Crancey, pour cette fois-ci, c'est cuit. Ben, on en parlera un peu plus tard. Quand ce mauvais air sera dissipé, quand la rivière sera plus basse. Partons immédiatement, si tu veux. Je m'habille en 5 secs, on saute dans la voiture. Maintenant, à présent, mais tu veux que Maria nous prenne pour des fous. Et qu'est-ce qu'on fait demain à Paris, c'est fait. Et puis, on partira demain d'un peu bonheur. 5 heures, si tu veux. Mais non, 8 heures suffira. Tu me l'auras avalé, je chargerai la voiture, on mangera un morceau avant de partir, on tâchera de faire Paris d'une traite. Entièrement à tes ordres. C'était de la folie que de vouloir se prélasser ici, hein, quand il y a tant de choses à faire ici, urgentes. Sans pas les sujets de conversation, ni les distractions qui vont nous manquer. Hein, une chance, on aurait tort de s'en priver. Dans quel enfer vas-tu encore te replonger dans l'état où tu es? Cette lutte inhumaine, ces éternelles difficultés qui renaissent sans cesse d'elles-mêmes, cette situation qui se complique tous les jours. C'est ça qu'il faut. Mais si tu me laissais au moins un peu t'aider. Tu me tiens toujours à l'écart des questions d'organisation. Tu as tort, je pourrais t'y aider. Et ça nous rapprocherait peut-être un peu. Tu ne veux pas qu'on essaie? Moi, ce que je fais, c'est amusant, c'est pas dur, tandis que toi, c'est toujours toi qui as la peine. Tu comptes décidément fermer un atelier? Si tu allais te coucher, il est grand temps. Mais je n'ai plus sommeil. Ah non, c'est le pape. Tiens, tes paupières battent, on dirait que tu fais semblant de t'intéresser. Tu y vas, toi? Mais j'irai tout à l'heure. Faut que je finisse ces comptes. Je peux pas emmener ces comptes-là à Paris, puisqu'on s'en va demain. Et j'aurai d'autres chiens à fouetter à Paris. D'ailleurs, les additions, moi, ça me détend. Si ça pouvait seulement me faire dormir un petit peu. Tu comptes décidément fermer un atelier? Mais un atelier, deux ateliers, trois ateliers pendant que j'y serai. Réponds-moi, nous n'avons plus que ce sujet de conversation. Je t'ai déjà dit d'aller te coucher. Non, j'irai me coucher quand tu iras. pourquoi ne pas essayer d'abord de se défendre? Il y a des compressions tout de même que nous pourrions réaliser. Pourquoi conserver ce personnel vieilli qu'on garde par gentillesse? Autrefois on pouvait, à présent on ne peut plus. Il y a des lois sociales, l'État s'en chargera, je n'ai pas raison. Mais on parlera de tout ça demain dans la voiture. Écoute, on peut bien en parler une minute à présent. Tu essaies de me distraire, c'est très gentil de ta part, mais ces comptes suffiront. Veux-tu que je t'aide à vérifier tes comptes? Merci beaucoup. Toujours tes heures de journalier. Veux-tu que je te dise, moi, pourquoi Chevet sera tellement insisté pour te faire envoyer le ménage Guillot? Le veux-tu? Eh bien, les Guillot avaient les gages fixes. Sur les gages fixes, il ne peut rien gratter, Chevest, tandis que des heures de journalier sont incontrôlables pour toi. Tu saisis? Tu en reviendras, ton Chevest, tu verras. Tiens, c'est comme ce que je te dis au sujet des économies qu'on pourrait faire. C'est pas tellement idiot, tu sais. Tiens, j'ai une autre idée encore. Pourquoi ne pas prendre en dépôt de la lingerie, des fourrures, des parfums? Réfléchis. Même loyer, même personnel de vente, pas de frais de stock. Naturellement qu'il nous faudrait aussi de l'argent, mais quoi? C'est tellement difficile à trouver de l'argent. Tu en avais bien trouvé aujourd'hui. C'est pas pour tes beaux yeux que ce type t'en apportait, ni pour les miens. Va, sois tranquille. Il faisait une affaire, une excellente affaire. Eh bien, pourquoi ses concurrents ne pensaient-ils pas comme lui? Les gros soyeux, Gilou, Robéron, Perruchet, ont tous le même intérêt que lui à ne pas nous laisser glisser. Tu ne les as pas vus, ceux-là, non? Ça te gênait? Oh, j'irais bien, moi, si tu voulais. Tu sais, il y a des démarches qui coûtent moins à une femme. Qui ne m'intimide pas, moi, ces types-là? Veux-tu que j'essaie de les voir? Veux-tu que j'essaie de voir Robéron ou Gilou? Et la femme jouera? Toujours dans les affaires. Tu n'as tout de même pas peur que je... Si, tu as peur. Ah, je suis vaccinée maintenant, tu sais. C'est bête, ce que je dis. Oh, non. Non, c'est même très intelligent. Alors? Alors, mon Dieu, oui, pourquoi pas, Robéron, oui, c'est une idée. C'est mieux que ce soit toi qui lui parles, en effet. La mode, c'est toi qui la tiens. Hein. Ce qui les intéresse, ces types-là, c'est la couturière, c'est pas l'administrateur. Je réussirai, tu crois? Ah, oui, tu feras ça très bien. Tu feras ça bien mieux que moi. Je vois d'ici, la tête renversée, la cigarette au bec, le poing sur la hanche, un culot du tonnerre. On sentira alors? Mais oui, on sentira, sûrement. C'est vrai. Et nous deux, on sentira sans trop de dommages aussi, nous deux. Dans le bâtiment, on va. Si ça se pouvait. Tu crois que tu vas pouvoir dormir un peu maintenant? Oui, je crois. Et que demain... Demain, tu iras bien. C'est vrai. Mieux, en tout cas. Ah, j'en serais si heureuse, Michel. Bon, écoute-moi. C'est 6 millions qu'il faut demander à Robéron, hein. 6 millions. T'entends? Tu me diras tout ça. Non, je te dis ça maintenant, pendant qu'on y est. 6 millions. Tu entends? Le tiers versable immédiatement. Hein? Oui, Michel, oui. Attends. Voyons. Les fourrures, les demander à Brichard. Brichard. Hein, pas à Brichard, pas à Martinon. Hein? Tu entends, Alice? Oui. Attends, c'est pas tout. Oui. Se défaire de Crancet. Se libérer de ce poids. Dire à Bruno de faire une offre. Puis causer, quoi. Seulement se réserver la maison, la petite maison, la maison du Séverin. Tu entends? Oui, je t'écoute. Avec le clos, naturellement, et protégé. Y installer Maria. Ça peut servir un jour, autant nous vivons, on sait-on jamais. Voilà. Allez, va, président. Hein? Non, va te coucher maintenant, voyons, c'est ridicule. Tu y vas, toi? Mais oui, j'y vais. Je finis ça. Oh, dépêche-toi. Je t'entêtemente. C'est 4, 10, 10 et 2, 12 et 3, 15 et 2, 17, 3, 20, 22 et 3, 25 et le 26. Bien. Alice. Alice s'est endormie. Michel se lève. Tu dors ? Et la regarde longuement. Il tire son portefeuille de sa poche. Des clés. Et les dépose sur une table. Puis, lentement, il fait le tour du sofa. Éteint la lampe. Regarde longuement sa femme. Ma pauvre chérie, pardon. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. Puis il se dirige vers la fenêtre, l'ouvre, l'enjambe et va se jeter à la rivière. Mesdames et messieurs, la radiodiffusion française vient de vous présenter en transmission différée la diffusion du spectacle de la comédie française Salle Richelieu à Paris. Vous avez entendu Duo, pièce en trois actes de Paul Giraldi d'après le roman de Madame Colette. Voici quelle en était la distribution. Jean Chevrier, Michel. Jacques Servière, Bordier. Germaine Kerjean, Maria. Et Jeanne Boitel, Alice. Mise en scène de Pierre Dux.